matin, globalement des nuages, des averses localisées, sauf près de la Méditerranée qui reste sous un ciel voilé et sec. Cet après-midi, encore beaucoup de nuages et puis des averses avec quelques coups de tonnerre sur une grande moitié nord du pays. Et puis au sud de la ligne Bordeaux-Lyon, on va avoir un ciel de plus en plus lumineux avec quelques gouttes par-ci par-là et un ciel plus ou moins voilé près de la Méditerranée. Demain dimanche, ça restera gris, maussade et du soleil près de la Méditerranée. Ça restera comme ça une bonne partie de la semaine avec des températures en baisse. Effectivement, elles deviennent inférieures au normal de saison avec 18 degrés cet après-midi à Brest, 19 à Cherbourg et à Bourges, 20 degrés à Paris, à Lille et à Nantes, 21 degrés à Strasbourg, 21 également à Dijon, Clermont-Ferrand et Biarritz, 23 degrés à Toulouse, 22 pour Limoges et Bordeaux, 25 à Perpignan et en Corse, 28 à Marseille, 29 degrés à Nîmes. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016, avec à 15h, Albanie-Suisse, suivi à 18h de Slovaquie-Pays de Galles. 19h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix du Canada. 20h45, rugby top 14, premier match de barrage, Racing 92, Stade Toulousain. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi d'Angleterre-Russie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 6h, toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Ouf, ce pourrait être le résumé de l'entrée en matière des Bleus hier soir dans l'heure. Euro de football, victoire 2-1 sur la Roumanie, victoire arrachée dans les dernières secondes. Résultat, la fête a bien eu lieu hier, aucun couac au Stade de France, ni dans les fan zones, ni dans les rues parisiennes remplies de supporters heureux. Et puis l'actu ce matin, ce sont aussi les funérailles en grande pompe du boxeur Mohamed Ali, décédé il y a une semaine, l'ancien président Clinton lui rendait hommage. Il est 6h sur RMC. Il aura donc fallu attendre une heure hier, une heure pour voir le premier but de l'Euro et le premier but des Bleus. Dimitri Payet qui tente de passer en dribble face à Aratz, le centre du pied gauche pour Giroud. Et l'ouverture du score. Voilà, 57e minute, donc Olivier Giroud pour ouvrir le score, égalisation des Roumains, et puis l'éclair de génie de Dimitri Payet à une minute de la fin, éclair qui donne la victoire à l'équipe de France, score final 2-1, Pierre Ecten pour une première réussie. Oui, c'est comme si le souvenir de l'Allemagne et cette élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 étaient derrière eux. La page est bel et bien tournée. Et c'est un nouveau chapitre que les Bleus écrivent avec leurs supporters. Des sourires, des encouragements. Et fait rare au Stade de France des chants à la gloire des Bleus qui descendent des tribunes. Le milieu français Blaise Matuidi ne boude pas son plaisir. Superbe ambiance magnifique. On a vu tout l'engouement qu'il y a autour de nous. Plein de la cérémonie d'ouverture pour assister au show d'une vingtaine de minutes conclu par un mix de David Guetta. Le Stade de France a vibré. Les supporters ont même déployé un magnifique tifo représentant les drapeaux des nations qualifiées. Alors même si tout n'a pas été parfait hier soir, la compétition des Bleus est parfaitement lancée. Hugo Lloris, capitaine et gardien de ces Bleus. Ça promet un beau tournoi, il faut continuer à leur donner du plaisir sur le terrain. Rendez-vous est pris pour le match de mercredi contre l'Albanie dans un stade Vélodrome tout aussi bouillant. Voilà le soulagement d'après-match symbolisé par les larmes de Dimitri Payet quand il est sorti du terrain hier soir, mais que ce fut tendu durant toute la rencontre. Les deux leaders, Griezmann et Pogba, n'ont pas apporté grand-chose. L'ancien capitaine Patrice Evra, lui, a tout raté. Mais pour Didier Deschamps, pas de surprise, un match d'ouverture, c'est toujours, toujours compliqué. C'est un match évidemment compliqué, rendu compliqué par cette équipe de Roumanie aussi. Match d'ouverture, ça ressemble un peu comme jouer... une finale, donc certainement qu'on était un peu trop timoré dans cette première partie. Mais on a fait ce qu'il valait jusqu'au bout. Je suis content, évidemment, très content pour les joueurs qui soient récompensés. Évidemment que le résultat, c'est ce qui compte avant tout. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais la victoire fait du bien. Seule la victoire est belle, voilà ce qu'on dit. Et à côté alors, parce qu'outre le sportif, l'organisation, la sécurité, c'était aussi l'enjeu hier soir, eh bien tout s'est bien passé. Pas de problème aux abords du Stade de France, pas de problème autour des fan zones partout en France. Et dans les rues de Paris, les supporters, plus ou moins assidus, ont pu profiter de la fête, Claire Checaglini. Certains ont un drapeau sur les épaules. Ramata, elle, c'est un chapeau aux couleurs du drapeau français qu'elle a vissé sur la tête, les joues maquillées bleu, blanc, rouge. Et pourtant, la jeune femme est loin d'être une fan de foot. Mais là, c'est l'euro, donc on regarde. L'euro fait que on est investi, on s'intéresse et on joue au jeu à fond. Après, on est pour les bleus, on est derrière les bleus et on suivra les bleus quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Moins démonstratif dans sa tenue, David a aussi eu toute la soirée les yeux rivés sur le match. même si... Ah non, je suis pas un fouteux. Je regarde parce que c'est l'Euro, parce que c'est sympa, et puis j'aime bien les grosses compétitions. Et qui dit grande compétition dit rassemblement familial pour Sylvain ou Maxime. On est entre amis, je suis avec madame, avec la famille. On a fait ça dans un bar, ouais, c'était pas mal. Pour les autres matchs, bah pareil. En fait, il n'y a pas d'organisation chez nous. On fait au freestyle. Et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Français, les étrangers, les équipes, on était même à côté des Roumains. Après, les prochains matchs, ça va être encore avec des potes, avec la famille, avec tout le monde, jusqu'au bon, on va être là. Mais fans ou pas, tous ont un seul message. Cette année, c'est pour nous l'Euro. Et on va le gagner l'Euro, on va le gagner. Voilà l'optimisme du supporter, le reportage de Claire Checaglini. Alors la compétition, ce groupe A, celui de l'équipe de France, deuxième rencontre aujourd'hui entre les deux prochains adversaires de l'équipe de France. Albanie-Suisse à 15h, c'est à Lens, confrontation assez spéciale, explique le capitaine albanais Lorik Sana. Le match a des symboliques un peu particulières du fait de l'origine de certains joueurs de l'équipe de Suisse qui sont d'origine albanaise ou du parcours de certains de nos joueurs qui ont grandi une bonne partie de mon enfance en Suisse. Pour la plupart, c'est un endroit dans lequel on est encore, mais voilà, ça s'arrête là. Après, sur le point de vue technique ou sur le point de vue préparation du match ou de la compétition, ça va pas changer grand chose. On les a déjà rencontrés par le passé. Là, ça sera durant un championnat d'Europe. On est capable de laisser ça à côté et de se concentrer seulement sur l'aspect football. Et puis deux autres matchs aujourd'hui, le groupe B cette fois-ci, Pays de Galles Slovaquie à 18h et puis ce soir la rencontre à haut risque au stade Vélodrome de Marseille. Angleterre, Russie, hier soir encore des supporters anglais ont affronté les forces de l'ordre, 7 personnes ont été interpellées. Voilà pour l'ambiance, côté sportif les Anglais ont plein d'ambition, Jean-Michel Larquet leur dit malgré tout de se méfier. Le problème des Anglais c'est que tactiquement ils ont... une façon bien à eux de jouer, bien à eux, bien à eux, bien à eux. Et c'est une tactique qui a été extrêmement étudiée par tous les adversaires. Et pour eux, c'est à eux d'imposer leur façon de voir le football et non pas à eux de s'adapter à l'adversaire. Mais s'ils ont ce don d'adaptation, s'ils ont cette humilité à s'adapter de temps en temps à l'adversaire, je pense qu'ils ont les atouts pour, peut-être pas gagner, mais en tout cas pour bien se comporter dans cette compétition. Voilà les conseils de Jean-Michel Larquet de la Dream Team RMC. Coup d'envoi, 21h sur RMC. Il est 6h05. Alors, hier soir, les grèves maintenues dans les transports n'ont pas eu de conséquences sur la fête, sur l'euro. Aujourd'hui encore, le trafic reste perturbé. Sur les TGV, 9 trains sur 10. Sur les TER, 6 trains sur 10. Problème aussi sur les RER en Ile-de-France. La grève des éboueurs également reconduite jeudi dernier jusqu'au 14 juin prochain. Les trottoirs parisiens notamment devaient être totalement nettoyés. Malgré tout, c'est ce que disait la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur RMC hier. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas partout. Écoutez le coup de gueule d'Éric Gontier, les fleuristes dans le 5e arrondissement de Paris. Vous avez les poubelles qui sont pleines, qui débordent. On a une puanteur. Moi, toute la journée, je suis en train de brûler du papier d'encens à l'extérieur de la boutique. Du coup, ce samedi, je suis pas sûr, moi et plusieurs des commerçants, à pouvoir ouvrir. Parce que il y a une puanteur et là, on est obligé de fermer les portes de nos commerces. On était abandonné, quoi. On est vraiment, depuis mardi, rien n'était fait. Sauf le boulevard de Pont-Royal. Que les grands axes. Ça devient catastrophique. Je pense qu'il serait bon quand même de rappeler à Madame Hidalgo, que le 5e, il a pas disparu sous les eaux, hein, et qu'il reste un de ces arrondissements pour lequel elle a été élue en tant que maire de Paris. Le témoignage d'Éric Gontier avec Romain Cluzel. Une semaine après, c'est encore l'heure de l'état des lieux dans les zones inondées, notamment dans le sud de l'Île-de-France. La Seine, notamment, se retire tout doucement et il faut nettoyer. C'est pour cela que des maires font appel à la solidarité de tous, de tous leurs habitants. Arnaud Richard, député des Yvelines, a lancé l'opération. Passé la crue, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même les problèmes commençaient, en fait. Il y a déjà des solidarités de voisinage, évidemment, qui se créent. Mais les communes, elles ont besoin de bras. Concrètement, ces bras, ils vont aider à nettoyer les berges, à nettoyer les maisons pour que les gens puissent se réinstaller. C'est plutôt les petites communes qui ont morflé et qui ont besoin de bras, quoi, voilà. De bras qu'il faut prêt à être solidaire et puis être prêt après à aider et à s'engager pour les autres. Arnaud Richard avec Rémi Barré. Et puis je vous le dis, je vous en parlais en titre, hommage à la hauteur du personnage hier à Louisville dans le Kentucky aux États-Unis. Les funérailles du boxeur légendaire Mohamed Ali, une procession de 30 km de long en tout, impressionnant. Et c'est l'ex-président américain Bill Clinton qui a prononcé l'éloge funèbre. Je crois qu'il a décidé très jeune d'écrire l'histoire de sa vie. Il a décidé qu'il ne serait jamais privé de pouvoir. Il a décidé que ni sa couleur de peau, ni sa situation sociale, ni les attentes des autres ne lui enlèveraient le pouvoir d'écrire sa propre histoire. Voilà l'hommage d'un ex-président des États-Unis à Mohamed Ali, décédé la semaine dernière. Il est 6h08 sur RMC. plus léger. François Sorel, bonjour. C'est gentil, merci. Ça me fait plaisir. Pour une fois qu'on dit que je suis plus léger. Voilà, exactement. Thomas Chupin. Les courses. Oui, tiercé quarté quintet plus cet après-midi à Vincennes. Et Sébastien Darras nous conseille le 17 Indigius et le 16 Aubryon du Gers. Brahim Asloum, lui, tente un coup de poker avec le 5 Uccello Somoli. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 18 Viking Vabene et le 9 Anzi des Liards. Le 17, le 16, le 5, le 18 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Alors, on n'attend pas Patrick ? Écoutez, oui, on va l'attendre. Et puis ça tombe bien parce qu'il est déjà là. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est les 6h09, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bienvenue! Nous allons passer ce week-end ensemble. En tout cas, une partie de ce week-end, vous le savez. 6h, 10h, chaque samedi et dimanche, je suis aux côtés des meilleurs experts de France avec demain Laetitia Barlerin pour les animaux, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Tout à l'heure, la maison avec Christian Pessé, le docteur du bricolage sera là entre 8h et 10h. Toutes vos questions bricolage maison déco au 3216. Et on va parler aussi de la journée de l'entretien et de la réparation. On ne va plus jeter maintenant, on va réparer et recycler. Et ça sera le thème de notre deuxième partie. On pourra même faire un truc de dingue, c'est imprimer des pièces détachées. Par exemple, je ne sais pas moi, de votre machine à laver, s'il y a un petit bouton qui est cassé, vous allez pouvoir l'imprimer en 3D et le recevoir directement. On parlera de tout ça tout à l'heure. Ça sera entre 9 et 10. Mais dans l'immédiat, il est à mes côtés. Impossible de l'imprimer en 3D. Il est beaucoup trop perfectionné. C'est notre spécialiste jardin qui est là. Bonjour Patrick Mulan. Bonjour François Sorel, bonjour à tous. C'est très bienvenu au jardin. Oui, une imprimante, il faudrait assez volumineuse. Oui, et puis bon, après, peut-être que dans quelques années, on pourra imprimer quelqu'un. Mais là, pour l'instant, ça marche pas encore. Et c'est plutôt bien. Non, c'est vrai. Comment ça va Patrick? Bah écoutez, ça va très bien. Les jardins sont plutôt beaux. On a eu une semaine, on va dire, correcte. Bon, même si on a eu dans la nuit, là, encore un peu d'orage. Oui. Mais le temps n'est pas super stable. On n'est pas dans une période où il fait beau tout le temps. Non, il est très instable et on verra tout à l'heure avec la météo du jardinier. La semaine prochaine ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Oh là là, mais j'en ai marre. Chaque semaine, vous nous dites ça, Patrick. Moi, je suis, en tant que professionnel du jardin, extrêmement embêté parce que l'ensemble de mes compagnons et oui, les camarades de la profession sont. On imagine que dans les jardineries, ça ne va pas être facile. Voilà, tout le business jardin est un peu, enfin, non seulement perturbé, mais un peu paralysé par ce temps. Alors, on peut espérer qu'il va y avoir un peu de soleil pour que les barbecues, les parasols et les meubles de jardin puissent sortir enfin des magasins. Voilà, on en parlera tout à l'heure de la météo du jardinier. Et puis, bien sûr, toutes vos questions jardin dès maintenant au 3216. Hein, Brigitte nous attend, on va la retrouver dans un instant. Et puis, en deuxième partie, on parlera des compagnons du jardin. Ce sont les abeilles, Patrick. Oui, alors on parle là des abeilles domestiques ou sauvages et de l'ensemble des pollinisateurs qui nous apportent un service totalement inestimable et on fera en sorte de trouver les conditions les plus favorables pour les accueillir et faire en sorte que notre jardin devienne de plus en plus un écosystème, ce qui me semble la moindre des choses. Un spécial abeille tout à l'heure, donc entre 7h et 8h, et vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions dès maintenant au 3216 ou jardin@rmc.fr. C'est parti pour ce week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bon réveil. Et on attaque tout de suite donc avec Brigitte qui est là. Bonjour Brigitte. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Brigitte, bienvenue. Et merci de m'appeler. Je vous en prie. Alors Brigitte, qu'est-ce qui vous arrive? Alors voilà, j'ai une plante qui est énorme, et je ne sais pas exactement son nom. La dame qui me l'a donnée, qui partait, elle l'a déterrée, me l'a donnée parce que je la trouvais merveilleuse. Elle m'a dit, je crois que ça s'appelle une vipérine. Ça fait des fleurs bleues ? Alors, ça fait des fleurs bleues, comme des espèces de gros bougeoirs. Oui. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que c'est déjà son nom ? Alors, vipérine, c'est le nom français. Le nom botanique, c'est Echium, E-C-H-I-U-M. Après, il y a pas mal d'espèces. Alors, on cultive principalement Echium fastuosum, qui est donc une sorte de buisson avec des fleurs, effectivement, un peu en candélabre, mais qui sont pas énormes, qui font une quarantaine de centimètres de haut. Quand je dis qu'elles sont pas énormes, c'est déjà spectaculaire, parce qu'il y a des espèces comme Echium pininana, par exemple, qui fait des des inflorescences de 4 mètres de haut. Vous voyez, modeste. Alors, ce sont des plantes d'origine des Canaries, les Echium pininana. On les voit surtout sur la côte atlantique, et notamment au jardin botanique de Roscoff, où ils sont absolument magnifiques. Au jardin, d'ailleurs, botanique de Vauville, aussi, dans la Manche, où ils sont aussi spectaculaires. Alors, ce sont des plantes qui sont bisannuelles, là, et donc qui se promènent un peu dans le jardin, puisqu'en fait, la première année, vous avez le feuillage, alors assez ample, qui commence à se développer. La seconde année, vous avez l'inflorescence, et lorsque les insectes, on en parlera tout à l'heure, l'ont pollinisé, eh bien, les graines vont se disséminer dans le jardin et ça recommence en permanence. En revanche, Echium fastuosum est un Echium vivace, enfin semi-arbustif, et donc là, il vit des années et des années, à condition qu'il ne fasse pas trop froid. Je ne sais pas où vous habitez, Brigitte. Alors, Cagnes-sur-Mer. Oui, bah là, il n'y a pas de problème. C'est jouable. Alors, dans la région de la Côte d'Azur, il y a énormément d'Echium fastuosum dans les jardins, parce que ce sont des plantes qui, en plus, n'apprécient pas trop une forte humidité, et donc poussent plutôt dans des zones un peu sèches, mais en revanche, sont tout à fait à l'aise en bord de mer et apprécient, bien entendu, la chaleur que vous pouvez avoir la plupart du temps dans cette région. Bon. Alors, eh bien voilà, Brigitte. Alors, ce que je voudrais savoir, oui. Est-ce qu'il faut les arroser ? Il faut les arroser quand vous êtes vraiment dans une période de longue sécheresse. Mais comme je vous disais, ce sont des plantes qui apprécient plutôt les sols secs et très drainants que la forte humidité. Ah d'accord. Bon, et très drainant, donc il faut que je change la terre, parce que voilà, j'avais des grandes fleurs, et maintenant, elles deviennent de plus en plus petites. Bon, il doit avoir une vingtaine d'années, en fait. Oui, mais il y a une chose, quand une plante présente ce genre de symptômes, ça veut peut-être dire qu'elle a besoin un peu d'être taillée, pour être rajeunie, parce que quand on taille, on favorise l'apparition de nouvelles pousses, et c'est là que la floraison va se développer. Et deuxièmement, faut pas oublier quand même que une plante, ça a besoin d'être nourrie. Alors, par exemple, un Echium qui a une vingtaine d'années, si on le nourrit pas, bon, il a peut-être un peu épuisé les réserves qu'il y avait dans le sol. Donc, mettez-lui un engrais. Même un engrais, d'ailleurs, pour rosier du commerce, ça devrait donner des bons résultats, parce que vous trouverez évidemment pas d'engrais pour Echium. Oui. Ou vipérine. Non, mais un engrais rosier, mettez-lui un peu d'engrais rosier, ça ira très bien. Merci Brigitte pour votre appel et bonne journée à Cagnes-sur-Mer, où je pense que le temps est plutôt clément. Mais on fera le point tout à l'heure sur la météo avec Yasmina Benbekaï. Il va rester du beau temps. Et encore une fois, le sud-est qui est privilégié, on le sait. Patrick, on va revenir dans un instant sur RMC. On va poursuivre avec vos questions jardin au 32-16. C'est Mohamed qui nous attend. Mohamed qui a un cerisier qu'il aimerait replanter. Un autre endroit, c'est un cerisier qui a 5 ans, donc il se pose la question de savoir comment est-ce que c'est possible de le faire et comment peut-on le faire. Il va falloir attendre un peu. Voilà, on en parle dans un instant. 3216 jardin@rmc.fr. Bienvenue dans ce week-end des experts. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Salut, c'est Jean-Louis Séguier. Quelle ambiance hier soir au Stade de France. Quel match d'ouverture. Quelle victoire des Bleus. Attention, sur RMC, on ne lâche rien. Et mercredi, on se retrouve depuis Marseille pour France-Albanie. RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. L'Euro en France, c'est unique sur RMC. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles lors des portes ouvertes les 11 et 12 juin pour découvrir les crossovers Nissan Juke, Qashqai et X-Trail en concession ou sur Nissan.fr. Ouverture dimanche 12 juin selon autorisation. Nissan, innovez autrement. Passionné par l'automobile et la moto, découvrez la 8e édition de l'Autodrome Héritage Festival. Rendez-vous demain aux portes de Paris sur le circuit mythique de l'Autodrome de Linas-Montlhéry pour vivre une journée exceptionnelle. De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent. Balades en bus historique, initiation à la conduite de véhicules anciens, dédicaces de pilotes et plein d'autres surprises. Venez profiter de cette journée en famille et assister au concours d'état parrainé par la Ligue. Plus d'informations sur parisautoevent.com. 10 euros en pré-vente, 15 euros sur place et gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edward, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vendredi 17 et samedi 18 juin, assistez aux demi-finales du Top 14 avec la Ligue Nationale de Rugby et RMC. Au Roazhon Park Arena, les 4 meilleurs clubs de rugby français se rencontrent pour une place en finale dans le mythique Camp Nou à Barcelone. Info et billetterie sur lmr.fr. Les demi-finales du Top 14, vendredi 17 et samedi 18 juin à Rennes avec RMC. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente. Avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Pratiquement 6h20, c'est RMC, le week-end des experts. Et le jardin, dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos de 6h30. Patrick, oui. On accueille Mohamed qui est avec nous. Avec plaisir. Bonjour Mohamed. Bienvenue avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour François, bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue Mohamed. Alors, merci. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que il y a 5 ans, j'ai planté un cerisier. Oui. Un VAD exactement. Oui, Pigaro VAD. Et je l'ai mis trop près de... Enfin, trop près. Ah d'accord. Il vous gêne aujourd'hui? Et alors, aujourd'hui, j'ai bien peur que d'aller chercher chez moi... d'aller chez mon voisin chercher des cerises. Ah oui. Voilà. Donc il a bien produit cette année. J'en ai fait à peu près 3-4 kilos. Oui. Et je voudrais le déplacer. Il fait 15 cm de diamètre. De diamètre. Ah ouais. Bah, c'est pas impossible. Hein. Alors, normalement, sur des arbres comme ça, bon, bien évidemment, la période de transplantation, c'est la période d'arrêt de la végétation, hein, lorsque les feuilles sont tombées, lorsqu'on est en hiver, et que il fait pas trop froid. Mais, là, vous avez affaire donc à un arbre de taille importante. La solution serait que, bon, maintenant que vous avez récolté, vous fassiez ce que l'on appelle un cernage, c'est-à-dire que vous allez faire une tranchée tout autour de l'arbre, il fait 15 cm de diamètre, donc vous allez prendre vous pouvez faire soit vous prenez la circonférence du tronc et vous la multipliez par 2 et ça vous fait le rayon de l'endroit où vous allez pouvoir faire votre cernage, donc ça, c'est tout autour, donc ça veut, on va dire globalement vous allez être à peu près 50 cm de rayon. Hein. Alors ça va être simplement de faire une tranchée d'environ 25-30 cm de large, c'est pas important, mais à peu près de 40 à 50 cm de profondeur, et que vous ne rebouchez pas. Alors pourquoi est-ce que l'on fait ça? De manière à ce que toutes les racines qui vont se développer au cours de la saison soient retenues à l'intérieur de la partie que vous allez avoir, donc on va dire isolée. Du reste du sol. Vous avez tout intérêt, bien évidemment. Bon, pour l'instant, c'est peut-être pas trop utile parce qu'il a quand même beaucoup plu et puis la terre doit être bien humide. Mais si jamais, pendant l'été, ce que tout le monde espère, on va avoir du soleil, du beau temps, etc., faudra arroser de manière à ce que cette motte, en fait, elle ne se dessèche pas pour que les racines à l'intérieur, elles soient bien vivantes. Et puis, donc, à l'automne, eh bien, vous aurez qu'à arracher tout ça, vous serez pas obligé de garder la motte puisque en fait un cerisier ça va très bien racine nue, mais au moins vous aurez concentré un maximum de racines à l'intérieur de cette motte et la transplantation sera plus facile. Après, bien évidemment, l'idéal serait de réduire la ramure au moment de cette transplantation. J'allais vous le dire, j'allais vous le demander. Les cerisiers, ça aime pas bien ça. Donc, si vous faites ce travail-là, faites-le plutôt, on va dire, dans la deuxième quinzaine de septembre, au moment où on a un retour de la sève vers le sol, on appelle ça la sève descendante, pour que la plante, elle évite ses écoulements de gomme. C'est pas une opération extrêmement facile, en plus, c'est volumineux, et c'est lourd, etc. Mais c'est la seule façon d'espérer de pouvoir transplanter correctement cet arbre, parce qu'il commence à être gros. Mohamed, merci. On enchaîne avec Raymond, qui nous attend au 32-16. Et après le cerisier, on s'attaque à la bricotier de Raymond. Bonjour Raymond. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Raymond, bienvenue. On vous écoute Raymond. Oui, ben écoutez, j'ai un abricotier, je pense qu'il a 7 ans à peu près. Oui. Il fait déjà 2,50 m de haut, il fait des fruits magnifiques. Comme vous le savez, nous avons eu un printemps très très précoce, et en février déjà il bourgeonnait. C'était même un peu trop tôt à mon gré. En mars, on a eu sur la Côte d'Azur, on a eu des mini-tempêtes, des pluies très très fortes, très violentes, et tous les bourgeons sont tombés, bien sûr, par les pluies. Et depuis, ben, il part parti, il est complètement brûlé, j'ai l'impression qu'il est sec. Alors je ne sais pas du tout si je dois attendre, patienter le printemps prochain, s'il faut que je coupe, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me donner un petit conseil là-dessus? Alors, moi je suis assez inquiet quand on me donne ce genre de symptômes un peu brutaux. Non mais surtout, bon, un dessèchement c'est quand même rarement lié à des conditions atmosphériques. Un dessèchement, alors ça peut être quand il y a un gel, par exemple, effectivement, les jeunes pousses qui sont brûlées par le gel. Mais sinon, sur un abricotier, ce type de dessèchement, c'est souvent le signe d'une maladie bactérienne qui est liée à une bactérie du genre Pseudomonas et qui, en fait, détruit la plante. Alors, ce qu'il faut essayer de faire, bon, bah, c'est toujours d'être patient dans ce genre d'affaires, mais pas trop non plus, parce que ça peut aussi se propager. Donc moi, ce que je ferais à votre place, c'est que sur les parties sèches, je couperais petit à petit, c'est-à-dire en petits bouts, pour essayer de voir si à un moment donné, on retrouve du bois sain. Mais tant que vous êtes sur du bois sec, eh bien, ça veut dire que la plante, à ce moment-là, sur cette partie-là, elle est morte. Elle reviendra pas. Après, si vous arrivez sur les branches jusqu'au tronc, bah ça veut dire qu'en fait l'arbre il est complètement fichu et donc là il faudra mieux l'arrêter. Ce sont des attaques qui sont fréquentes, qui sont extrêmement brutales et rapides, et qui vous détruisent votre plante en quelques jours ou quelques semaines. Quelques jours ou quelques semaines, sur, d'accord. Non mais un abricotier de 2,50 m de haut, c'est pas un grand arbre. Non, donc non. Oui, une attaque bactérienne, ça peut vous le tuer en une semaine, oui, c'est bien incroyable. Sûr. Incroyable. Il y a pas de problème. Bon. Donc là, dans ces cas-là, il y a le seul truc à faire, c'est ça. Oui, c'est vérifier. Patiemment, vous coupez les morceaux. L'étendue des dégâts, en quelque sorte. Oui, et puis peut-être se dire, bon, alors effectivement, si vous retrouvez du bois sain, ben là, vous le laissez, et puis vous espérez que ça redémarre. Mais si ça redémarre pas dans la saison, il y a très très peu de chances qu'il reparte l'année prochaine, en revanche. Patrick, on revient dans un instant. Merci Raymond pour votre appel. Bientôt 6h30, on va retrouver la météo, un point sur l'actualité, puis évidemment la victoire des Français hier face à la Roumanie. Et puis le 32-16, on reviendra avec Patrick Mulan pour toutes vos questions. Jardin 32-16 ou jardin@rmc.fr. À tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 15h, Albanie-Suisse, 18h, Slovaquie-Pays de Galles et à 21h, Angleterre-Russie. RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Chez Renault. Vous en connaissez beaucoup des endroits branchés avec 5 portes. Voici Twingo, branché et même connecté avec mon smartphone et l'application Rengo. Renault Twingo est à partir de 129€ par mois, sans apport, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes ce week-end. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Renault.fr. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, d'intrépides charpentiers n'ont qu'une ambition, réaliser des demeures d'exception en bois pour leurs clients fortunés. Plus le défi semble impossible, plus leur motivation est grande. Les constructeurs de l'extrême, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction. Canal 24.

Ça sera entre 9h et 10h. Et puis bien sûr, toutes vos questions, bricolage, maison, déco. À suivre donc avec Patrick Mullen, dans un instant, notre météo du jardinier. Et puis entre 7h et 8h, on va parler des abeilles. Voilà, les abeilles, les pollinisateurs du jardin, comment les attirer, quelles sont les plantes qui les attirent, ce qu'on appelle les plantes mellifères, par exemple. Alors on parlera pas beaucoup du miel cette fois-ci, on fera une autre émission, oui. On l'a déjà fait. Mais là, vraiment, comment accueillir les insectes bénéfiques au jardin? Quel est leur bénéfice aussi? Quels sont ces insectes? Voilà. Quels sont les risques aussi? Parce que c'est une question toute bête, mais est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, si on a un petit jardin, à installer une ruche? Voilà, alors une ruche, mais on va aussi essayer de parler des abeilles sauvages, parce que les bourdons, par exemple, et d'autres abeilles, comme les abeilles charpentières, tout ça, sont très, très, très, très utiles dans les jardins. Effectivement. Évidemment, et on expliquera peut-être le rôle incroyable des abeilles. Hein, oui, on aura deux très bons spécialistes avec nous, dont un a fait un livre qui s'appelle simplement sur les plantes mellifères, donc les plantes qui attirent tout ce monde-là dans le jardin. Ça sera tout à l'heure entre 7 et 8. Et tiens, si vous êtes justement intéressé par ce sujet, peut-être voulez-vous dans votre jardin installer une ruche, ou peut-être en avez-vous une, vous voulez témoigner ce matin, ça serait sympa de vous avoir au téléphone. Ou alors par mail, hein, 3216, et si vous nous joignez par mail, jardin@rmc.fr, laissez-nous votre numéro de téléphone. Et un petit truc à savoir, si vous cultivez les cucurbitacées, c'est-à-dire donc des courgettes, des melons, des citrouilles, etc., et qu'il n'y a pas d'abeilles, vous n'aurez jamais du tout de fruits. Voilà. Oui, c'est ça. Dans un instant, notre météo du jardinier, Patrick, a scruté les cartes de Météo France pour les jours qui viennent. On verra si ça peut avoir un impact sur le jardin. On prévoit pas mal d'orages, donc voilà, on va y revenir dans quelques minutes. Mais d'ici là, vos questions. Et on s'intéresse au pommier de Paul qui est avec nous. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour Paul. Bienvenue Paul. Merci d'avoir pris mon appel. Voilà mon problème. J'ai planté il y a 3 ans. Un pommier qui se nomme Bertane. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai deux phénomènes cette année. J'ai d'une part les feuilles qui se froissent et qui deviennent rosées au bout. Mmh. Et d'autre part, j'ai les fruits, et j'en ai eu pas mal, ils se portent très bien, qui s'ouvrent. Comme un coup de couteau. Et ils s'ouvrent. Alors, je sais pas, j'ai recherché, je trouve pas... Les fruits en formation, pas les fruits lorsqu'ils arrivent à maturité. Les fruits en formation, oui. Bon, on a quand même connu une saison un peu particulière au niveau de la quantité de précipitations. Lorsqu'on a des fruits qui éclatent, alors c'est vrai que ça se fait quand même plutôt plus souvent au moment de la maturité, mais c'est souvent lorsqu'il y a un excès d'eau. Après, il n'y a pas de... Enfin, à ma connaissance, hein, je connais pas tout, bien évidemment, de ravageurs particuliers qui vous cisaillent une pomme non mûre, donc juste en formation, en deux. Donc ces éclatements-là sont, à mon avis, d'ordre physiologique. Donc c'est lié au caractère particulier, je pense, de cette saison. Après, le rougissement des feuilles. Alors si vous avez des feuilles qui sont très cloquées, crispées, etc., faut quand même les dérouler pour voir si à l'intérieur il n'y a pas de pucerons. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent, notamment au printemps. Bon, ça entraîne pas des désordres catastrophiques sur les pommiers, à moins que vraiment il y en ait partout. Non. Mais le problème, de toute façon, c'est qu'une fois qu'ils sont à l'intérieur, enfin, ou du moins, ils ont attaqué la face inférieure des feuilles, mais une fois que les feuilles se sont recroquevillées, vous pouvez plus les déloger. Donc la seule solution, c'est de les éliminer manuellement. Hein. Donc ça, c'est vraiment la petite chose à faire. Après, la décoloration rose ou rouge, ça peut arriver sur, on va dire, un démarrage de certaines maladies cryptogamiques. Bon, moi, je voudrais dire à tout le monde qu'il va falloir quand même être extrêmement vigilant dans les jours qui viennent par rapport, justement, au développement de certaines maladies cryptogamiques. Alors, sur les arbres fruitiers, comme les pommiers, c'est souvent de la tavelure. Après, une fois que les fruits seront vraiment formés, on aura certainement des risques de monilia. Donc monilia qui fait des pourritures. La tavelure, ça fait plutôt des taches noires qui tachent aussi bien les feuilles, les rameaux et puis surtout les fruits, malheureusement. Là, on est dans des conditions qui sont difficiles aussi pour traiter, parce que comme il pleut pratiquement tous les jours dans certaines régions, vous pouvez pas faire une bouillie bordelaise et puis qu'elle soit lessivée 2 heures après. Donc il faut, pour qu'on ait une bonne efficacité, être assuré, et ça c'est compliqué, que dans les 5 heures qui viennent, 5-6 heures, vous aurez pas de précipitation. Donc ça, faut bien regarder les cartes météo locales, de manière à pouvoir faire son traitement. Mais alors, une chose importante aussi à savoir, c'est que pour toutes les maladies cryptogamiques, et notamment puisqu'on n'a pratiquement plus que la bouillie bordelaise à notre disposition, l'action n'est que préventive. Donc il faut traiter avant que les maladies commencent à se développer. Donc ça serait quand même souhaitable de le faire sur les arbres fruitiers, puisque les conditions sont favorables au développement de ce type de maladie. Alors concernant vos fruits, moi je pense que vous pouvez absolument rien faire, simplement attendre que... Enfin, c'est pas toutes les pommes quand même qui sont coupées en deux. Et pratiquement. Et vous avez beaucoup d'oiseaux dans votre jardin ? Il y a des oiseaux, mais en fait, c'est pas une volière. Voilà, non, parce que parfois, ça pourrait être ça, mais normalement, les oiseaux s'attaquent pas aux fruits quand ils sont pas mûrs, ça les intéresse pas. Alors, souvent, ils mangent les bourgeons, ça c'est vrai, au printemps, vous avez notamment les chardonnerets ou les bouvreuils, ils mangent souvent les bourgeons de pommiers, mais là, quand les fruits sont formés, vraiment, c'est un peu étonnant. Alors, si en plus, donc, c'est pratiquement tous les fruits qui sont atteints, je pense vraiment que ça vient de ce que je disais, c'est-à-dire, donc, les conditions climatiques qui ont fait que, vos fruits ont éclaté. Alors malheureusement, il faut tirer un trait sur la récolte de cette année. Il n'y a pas d'autres symptômes. Il n'y a pas un petit verre. Je l'ai traité à la bouillie bordelaise d'ailleurs depuis le printemps. Oui, mais la bouillie bordelaise, c'est un fongicide, c'est-à-dire que ça n'agit que sur les maladies cryptogamiques. D'accord. Dans le cas du symptôme que vous montrez, ça aurait pu être éventuellement une attaque d'un insecte, vous voyez, un insecte qui aurait coupé. Bon, dans ces cas-là, la bouillie bordelaise est totalement sans effet. Donc, mais là, comme il n'y a pas de symptôme particulier, comme il n'y a pas, de pourriture dedans, etc., de petits vers, de présence d'insectes, c'est que je pense quand même, encore une fois, que c'est un problème physiologique. Donc laissez faire la nature, malheureusement, de temps en temps, elle nous est pas favorable, et ben c'est le cas cette année. 6h40, en parlant de nature peu favorable, donc dans un instant, on jettera un œil sur la météo oui, ça va être un peu de cette semaine. Ouais. On verra si enfin l'été pointe le bout de son nez. Malheureusement, ne vous attendez pas quand même à des miracles. On va être en dessous de 20 degrés dans la moitié nord de la France pratiquement toute la semaine. Avec beaucoup d'humidité. Voilà, on va en parler dans un instant. Mais auparavant, c'est Yann qui est avec nous au 32-16. Bonjour Yann. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Si vous me permettez de vous appeler, on a eu très beau temps, vous savez, à Guérande, en presqu'île guérandaise, là, magnifique. C'est toute cette semaine, et aujourd'hui, un peu de fraîcheur, ça fait du bien, parce qu'on a eu très très très chaud. C'est vrai que sur la frange atlantique, il a fait des chaleurs importantes. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans le Bordelais cette semaine pour un baptême de rose, mais il y avait 28 degrés, et il y avait eu 29 la veille. Hein, avec du soleil et tout ça. Ah bah avec tout ce qu'il fallait. Exact. Vous voyez, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, c'est le premier rosier buisson, parce que j'ai installé 24 pieds de rosier buisson. Et j'ai vu apparaître des petites taches marrons, alors je m'en inquiète beaucoup, parce que je trouve que c'est génial, quoi. Forcément, c'est les roses, c'est magnifique. Et des petites taches marrons, des petits trous aussi, comme si elles étaient mangées. Bon, j'ai vu pas mal de fourmis autour, donc, si vous aviez la gentillesse de m'éclairer, messieurs, par votre bonne émission. Bah écoutez, là, on est sur ce que je viens de dire précédemment pour les arbres fruitiers, c'est la même chose pour les rosiers. On a deux catégories de plantes dans le jardin qui sont quasiment systématiquement attaquées par des problèmes parasitaires, ce sont les arbres fruitiers et les rosiers. Alors il y a des rosiers qui sont plus résistants aux maladies que d'autres, ça c'est une question variétale essentiellement, mais là cette année on est vraiment dans l'archétype de l'idéal pour les maladies. Donc là, ce que vous avez en petites taches marron, c'est certainement au départ du mildiou. C'est des petites taches. Bon, ça n'a pas une influence catastrophique sur le rosier, le mildiou. parce que ça va rester localisé. En revanche, si vous avez de la maladie des taches noires, c'est-à-dire donc le Marsonia, ça se reconnaît bien parce que vous avez en fait une tache circulaire avec des fibrilles autour, c'est-à-dire en fait on a l'impression qu'il y a des petites veinules qui sont à la périphérie de la tache, et puis cette tache elle grossit, elle finit par faire carrément jaunir le feuillage, et c'est vrai que quand on a une plante, une variété sensible, au mois de juillet il n'y a plus de feuilles sur les rosiers très sensibles, surtout une année comme celle-ci. Donc là, le problème, c'est exactement ce que j'ai dit précédemment par rapport au pommier, c'est qu'il faut intervenir avant, ou du moins au tout début des premiers symptômes de l'attaque parasitaire, parce que sinon, la bouillie bordelaise, qui est donc pratiquement le seul fongicide dont on a la possibilité d'utilisation au jardin aujourd'hui, eh bien, elle a aucune efficacité. Donc, ce que je rappelle, et je réinsiste lourdement, c'est que les traitements, évidemment, ne sont pas systématiques. En revanche, sur des plantes sensibles, lorsque les conditions climatiques sont favorables, à savoir une certaine douceur, plus de l'humidité assez forte, et notamment de l'humidité dans l'air, eh bien, il faut faire des traitements, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc, dans votre cas, bon, faut peut-être essayer d'en faire un pour réduire le développement de la maladie. Le problème étant que si vous avez aussi bien du mildiou que de la tache noire, ce sont des maladies qui sont internes. Elles se développent à l'intérieur. Quand vous avez du blanc, de l'oïdium, c'est une maladie qui se développe en surface. Donc si on met du soufre dessus, ça la bloque et puis on est tranquille. Là, une fois que le mal, j'allais dire le ver est dans le fruit, mais enfin une fois le mal est dans la feuille, vous avez du mal, enfin même impossibilité de l'éliminer. Donc à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est couper. Si toutes les feuilles sont pas attaquées, c'est d'enlever avec un petit coup de ciseau ou de sécateur toutes celles qui vous semblent vraiment présenter des symptômes inquiétants, et puis ça aidera. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est s'il y a déjà eu une première floraison, c'est retailler toutes les branches qui ont fleuri environ à 3-4 feuilles sous la fleur, de manière à réduire un peu la végétation, stimuler la croissance de la plante avec un peu d'engrais pour rosier, et là, ça va lui redonner un peu de vigueur, et puis peut-être lui permettre de mieux résister aux problèmes. D'accord. Voilà, Yann. Merci beaucoup, monsieur, et bravo encore pour votre émission. Merci. C'est sympa de nous écouter, Yann. Merci à vous. Merci, monsieur. Merci. Au plaisir. Au revoir, monsieur. Allez, on revient dans un instant, monsieur Mulan. Vous avez vu, Yann nous appelle messieurs. Oui. Bon, vous savez, quand vous êtes avec nous au 3216, appelez-nous, Patrick et François, ça ira bien. Hein. Voilà. Et j'ai pas une voix où on peut me dire madame. Ça c'est sûr. On revient dans un instant et ce sera la météo du jardinier et vos questions encore au 32-16. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipements. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169€ par mois, sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre pour Capture Life Energy de TCE 90, LLD 49 mois, 40 000 km maximum, sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire, réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. Alors Tom, bientôt la fête des pères? Oui, et je cherche un cadeau utile. Eh bien, jusqu'à mardi en magasin et sur Auchan.fr, le téléphone Wiko Rainbow Jam 4G, libre de toute offre opérateur, est à 99,90€ au lieu de 129,90€. En plus, avec la carte Auchan, 20€ sont crédités sur votre compte Wahoo. Un smartphone 5 pouces 4G à ce prix-là? Auchan, la vie que j'aime. Dont 1 centime d'éco-participation, kit main libre recommandé, DAS 0,249 watts par kilogramme, voire conditions magasin. 194€ par mois, offre valable pour une Seat Léon de référence en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, entretien et garantie inclus. C'est bon, on l'a. Non mais tu veux pas que je la fasse pour le plaisir parce que... La Seat Léon de référence à partir de 194€ par mois, à ce prix-là, même les mentions légales deviennent un plaisir. Premier loyer de 2700€ suivi de 36 loyers de 194€ sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin. Conditions sur seat.fr. Venez en profiter ce week-end lors des portes ouvertes chez votre partenaire Seat. Ouverture selon autorisation. Pam palam, pam palam. Tu l'as vu? Où? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche chez Darty, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30 euros, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016. Voir conditions magasin ou sur darty.com. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle, elle serait plutôt... Ah... Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'y dis. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte après-vente avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers hors pause dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 6h48, c'est RMC, le week-end des experts, et c'est le jardin, vous le savez, votre rendez-vous du samedi matin. Patrick, il est temps de retrouver notre météo du jardinier. C'est l'heure, nous sommes le samedi 11 juin 2016, 163e jour de l'année. Aujourd'hui, on fête les Yolande, les Barnabé visiblement aussi, tout j'ai à l'impression. Fait. Tout voilà, à donc tout à bonne fête à vous. Et puis sachez que nous gagnons... À votre avis, Patrick? Bah, la dernière fois, c'était une, alors. C'était va, une? Une. Bah, non, voilà. Peut-être zéro. Zéro ou une? Bah, non, mais vous avez. Eh oui, vous, j'ai vous dit avez... gagner, donc voilà. Et oui, on gagne encore une minute de soleil, mais c'est vrai qu'on se rapproche là des jours les plus longs de l'année, même si on n'a pas trop l'occasion de voir le soleil qui. Oui, de toute façon, c'est vrai que c'est jusqu'au 20-21. Voilà, va, c'est ça. Exactement. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant samedi 11 juin? On peut faire un petit clin d'œil à Jean-Louis Marie Poiret. Qui est né le 11 juin 1755, c'était pas d'hier, c'était un grand botaniste explorateur français qui a beaucoup travaillé sur les conifères et notamment ceux du Maghreb, voilà, on le salue parce que de temps en temps on les oublie, ces grandes personnes. Donc effectivement, Saint-Barnabé qui était un disciple et compagnon de Saint-Paul au 1er siècle, et puis Sainte-Yolande qui était une princesse hongroise qui est morte en 1299 à la Saint-Barnabé. La faux au pré, oui, c'est le moment où on fauche, tous les foins, hein, bien entendu. Mm-hmm. À la Saint-Barnabé, les jours croisent d'un saut de baudet. Mm-hmm. Mais oui, c'est quand même bien un saut de baudet quand même. Mais bon, Saint-Ténavé à la Saint-Barnabé. Et à Sainte-Yolande, plante le lin de Nouvelle-Zélande. Le lin de Nouvelle-Zélande, le phormium, c'est un très très bel... Enfin, c'est une plante vivace, très spectaculaire, que je vous conseille, surtout si vous habitez en bord de mer. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Ah tiens, il y a quand même un truc. Hein. S'il pleut à la Saint-Barnabé, la vendange coule jusqu'au panier. Ah. Alors, c'est vrai que, honnêtement, les vignerons, là, cette année... Ça va être un... Entre le froid qu'il y a eu au la mois de... La grêle. Voilà, alors déjà, le gel dans certaines régions, au mois d'avril, qui a réduit complètement la croissance... La grêle maintenant, et puis peut-être la pluie qui fait couler les fleurs, c'est catastrophique. Bon, ouais, c'est pas de toute façon, les vignerons, les agriculteurs, les jardiniers, même combat. Alors, que va-t-il se passer? Ben, on disait, on est vraiment dans une orientation orageuse. Alors, les vents s'orientent plutôt au sud-ouest cette semaine, avec... Bon, on va dire surtout à partir de demain, dans les 40-45 km/h, jusqu'à lundi. Après, ça sera plus calme au niveau du vent, mais... On apporte donc de la douceur, de l'humidité. Alors demain, on a toutes des températures supérieures à 10 degrés au lever du jour. On a jusqu'à 21 à Nice, mais elle reste inférieure à 20 degrés dans la moitié nord. Et c'est ce qui va se passer quasiment toute la semaine. Donc des températures relativement basses pour la saison, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humidité et des perturbations orageuses. La Côte d'Azur sera vraiment très privilégiée parce que on y aura entre 25 et 27 degrés et avec très très peu de pluie. Alors toute cette bruine. On pourrait dire comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais cela dit, même dans le sud, le temps est légèrement perturbé. C'est pas le, on n'a pas le temps qu'on a habituellement cette période de l'année. Alors demain, on devrait pouvoir tenter de sortir le barbecue dans la plupart des régions. Mais en revanche, au nord, il faudra peut-être un peu la petite laine pour manger dehors. La laine et le barbecue. Quand vous avez moins de 20 degrés dehors. Ouais, c'est pas terrible. Il suffit qu'il y ait un peu de vent. Voilà. Puis il y en aura un petit peu demain. Attention, lundi, on aura jusqu'à 80 km/h de vent plutôt nord-ouest dans la vallée du Rhône. Oui. Et ailleurs, on sera plutôt autour des 40 km/h. Toujours de l'humidité, une grosse couverture nuageuse qui sera petit à petit balayé par le vent et qui laissera place à des bonnes éclaircies, mais on aura une nuit très très pluvieuse, excepté encore une fois en Méditerranée, donc sur le côté jardin, c'est pas très fabuleux pour jardiner, mais vous pouvez essayer de faire l'entretien et surtout désherber, et le désherbage, ça sera d'ailleurs le propos de notre prochaine émission, la semaine prochaine, parce que c'est vraiment un des problèmes du moment. Je peux vous dire que ça pousse de tous les côtés. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de produits aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais oser, je vais faire l'émission de tous les dangers. Oula. Je vais inviter quelqu'un de Monsanto qui nous parlera du Roundup. D'accord. Mais il n'y aura pas que lui, on aura aussi avec des jardiniers. Ce fameux glyphosate, qui est au cœur de toutes les polémiques. Exactement. Et on aura des jardiniers qui, eux, n'en utilisent pas, comme ça on aura tous les avis. Patrick, on enchaîne avec Jean-Paul qui est là. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, bienvenue. Bienvenue Jean-Paul, on vous écoute. Alors, que se passe-t-il? Moi j'ai deux pieds de 10 centimes spectabilis et cœur de marche. Oui. Plus simple, que j'ai acheté il y a deux ans, trois ans, et maintenant ils m'envahissent tout. Alors je voudrais savoir si je peux, maintenant que la floraison va bientôt se terminer, si je peux rabattre les tiges déjà, au moins, ou si je peux espérer les transplanter à l'automne, par exemple. Parce que ma voisine en voudrait un pied, ils sont tellement beaux. Oui, bien sûr, mais alors, vous avez pu remarquer que la plupart du temps, les cœurs de Marie ont une végétation qui disparaît dans le courant de la saison, après la végétation. Donc en fait, dès que vous allez voir que le feuillage jaunit naturellement, c'est à ce moment-là que vous pourrez les arracher pour les transplanter. Ça sera le bon moment, parce que sinon après, soit il faut que vous mettiez un petit bambou pour repérer où est le pied, ou une étiquette pour pouvoir l'arracher à l'automne. À l'automne, c'est possible aussi. Hein. Tant que la plante est, on va dire, dormante, bien entendu, vous pouvez la transplanter. Et puis, si vous trouvez qu'ils sont un peu envahissants, vous pouvez les diviser. Hein. Ce sont des plantes vivaces, des cœurs de Marie, et qui supportent et au contraire marchent très très bien avec de la division de touffe, donc vous pouvez faire ça sans aucun problème. Bien. Est-ce que je peux me permettre une toute petite question? Allez-y, Jean-Paul, bien sûr. Un pied de vigne que les feuilles, que je ne voudrais pas traiter, j'aurais pas voulu le traiter, mais et tous les ans, les feuilles se gaufrent, elles font comme des petites cloques, si vous voulez. Ah oui, alors ça c'est de l'érinose, c'est vraiment pas très grave, c'est vrai que c'est spectaculaire, il y en a beaucoup en ce moment. Alors c'est un micro-acarien, donc toute petite araignée qu'on voit pas, qui pique et qui consomme en fait le parenchyme, c'est-à-dire donc la peau de la feuille, et qui donne cet aspect très cloqué. Alors il y a des boursouflures partout, on dit oui. Oh là là, ma vigne elle est mal partie. La plante supporte parfaitement ça, ce n'est pas du tout la peine d'intervenir pour ce genre de problème. En revanche, attention, les conditions sont extrêmement favorables pour le développement non seulement de l'oïdium, mais aussi du milieu de la vigne. Donc, avec cette humidité. Un petit traitement soufre et bouillie bordelaise, faudrait le faire. Sinon, comme dit la Saint-Barnabé, on va pas avoir grand-chose sur les vignes. Voilà Jean-Paul. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et puis c'est du mauvais temps pour les jardiniers, c'est du mauvais temps pour les colombophiles, on ne peut plus faire d'organiser de concours non plus cette année, c'est vraiment la cata. Voilà. Pour toutes les activités c'est de plein air, c'est sûr compliqué. Que c'est pas terrible. On a vu Roland Garros comment ça s'est joué, vraiment entre les gouttes. Ah ouais, c'est vrai, là ça a été un Roland Garros exceptionnel sous le parapluie. Voilà, alors nos amis footballeurs, ils sont moins gênés par la pluie, mais bon. Bon, on va souhaiter quand même que pour 7 euros, il y en ait le moins possible. Hein. Ouais. Patrick, on revient dans un instant. La météo, les infos sur RMC. On va revenir évidemment sur la victoire de la France hier pour ce match d'ouverture de l'Euro face à la Roumanie. Et puis on attaquera notre deuxième partie dédiée au jardin avec un spécial abeilles. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Allez-y, entrez. Vous voyez, on est sur de très beaux volumes. Ah oui, et il y a une belle vue dégagée. En plus, c'est bien équipé. Oui, et il y a même des caméras pour votre sécurité. Ah mais c'est parfait, ça. Et si vous vous décidez cette semaine, vous profitez d'une offre exceptionnelle. Eh bien, je crois que c'est décidé.

Si on m'avait dit il y a un an de cela que j'y serais ici ce soir et il y aurait que ce scénario, je pense que je vous aurais dit vous êtes malade. Donc avec tout le travail, la blessure, beaucoup de pression sur les épaules, je pense que c'est sorti à ce moment-là. Dimitri Payet, voilà donc le nouveau chouchou des Bleus. Son but, ses larmes. Il a pris la place hier de Griezmann ou de Pogba, plutôt décevant. Steve Savidan de la Dream Team RMC a été impressionné par le petit milieu de terrain. À travers un peu le désert, il ne se voyait pas titulaire et je pense qu'il ne se voyait pas en tant que sauveur. Sauveur parce que déterminant offensivement. Tout a été positif ce soir pour lui. On a vu même des gestes zidanesques dans ses jambes, dans son attitude. Mais c'est des matchs qui sont assez rares, donc il faut savoir en profiter. Tout réussit dans un match comme ça. Il aurait pu faire n'importe quoi, tout passait. Donc c'est même pas un jugement de valeur, c'est exceptionnel. Alors je vous le disais que ce fut dur sur la pelouse, les Bleus étaient inhibés, c'est le moins qu'on puisse dire. Résultat, Mohamed Bouafsi, Didier Deschamps a dû pousser un bon coup de gueule. Hein. Nous sommes à la mi-temps du match entre la France et la Roumanie dans le vestiaire des Bleus au Stade de France. Didier Deschamps prend la parole, il est très en colère, agacé par la première mi-temps de l'équipe de France. Il hausse le ton, vous êtes tétanisé, vous ne jouez pas, réveillez-vous, déclare en substance Deschamps. Le sélectionneur demande aux joueurs de se libérer, de mettre la pression de côté et leur intime l'ordre d'élever leur niveau de jeu. Au retour des vestiaires, les Bleus font preuve de solidarité et l'emportent. Deschamps félicite alors ses joueurs un par un après la rencontre. Il glisse un mot à l'oreille de N'Golo Kanté pour le féliciter de son match. Le cadre des Bleus, Patrice Evra, confie à ses coéquipiers « Les gars, si on gagne dans la difficulté chaque match comme ce soir, on sera quand même champion d'Europe. C'est ce que l'on souhaite aux Bleus de souffrir pour gagner l'Euro le 10 juillet. » Voilà les coulisses des Bleus avec Mohamed Bouafsi. Et puis il n'y a pas que les Bleus qui ont souffert, les supporters aussi. Tout s'est bien passé, on reviendra notamment sur l'organisation autour du stade. Mais dans la fan zone, des milliers de supporters euphoriques à Bordeaux qui ont donc vibré avec les Bleus. Ouais, marqué à la dernière minute avec Payet, c'est un but en plus exceptionnel. Ils ont montré qu'ils en avaient envie et ça nous fait beaucoup plaisir. Dimitri Payet, Dimitri Payet, Dimitri Payet. Le but de Payet à la 90e, c'était plus qu'une délivrance, c'était la victoire jusqu'au bout. Et maintenant, ça nous fait croire qu'on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Qui ne se fait pas de pas français ? Qui ne se fait pas de pas français ? Voilà l'euphorie des supporters. Et puis hier soir, il y avait l'enjeu sportif, bien sûr, mais il y avait aussi l'enjeu organisation, l'enjeu sécurité. Bien là aussi, ça semble-t-il une réussite. Aucun couac dans la soirée, notamment autour du Stade de France. Pas de mouvement de foule, pas de queue interminable. Tout s'est déroulé sans problème, explique Julien. Il était au stade hier soir. Ça s'est super bien passé, allez, on est arrivé assez tôt, on s'y est pris un peu à l'avance, donc du coup on n'a eu aucun problème, aucune queue, les fouilles c'était plutôt bien espacé, donc il n'y a pas eu de gros attroupements, et là au retour ça se passe bien. On attend le prochain train tranquillement, les gens sont plutôt cool, on était fouillés deux fois avant d'entrer au stade, on sent la présence policière aussi un peu partout, c'est un peu oppressant mais c'est rassurant aussi, enfin on comprend que la situation extrême, il faut aussi un petit peu avoir cette présence là. Voilà donc l'Euro lancé sur de bonnes bases. Le seul bémol pour l'instant, c'est de Marseille qu'il arrive au Vélodrome. Ce soir, l'Angleterre affronte la Russie. Mais depuis deux jours, les supporters anglais ont montré de quoi ils étaient capables. Hier soir, notamment, affrontement violent avec les forces de l'ordre, Eric Miguet. Tendu avant, pendant et après le match, l'ambiance sur le Vieux-Port a viré à plusieurs reprises à la bataille de rue, comme ici, quai des Belges. Des groupes de supporters anglais s'affrontent avec des jeunes de la ville, les chaises volent au-dessus des tables, les coups de poing, les coups de pied s'enchaînent. À l'aide de grenades dispersantes, les CRS interviennent, la lèvre en sang, Amine s'échappe de la bataille et des gaz lacrymogènes. Quelqu'un qui m'a frappé, hein ? C'est pas possible ça. C'est des animaux, c'est pas des supporters ça. Un petit moment de répit, ici et là, des supporters anglais et marseillais se toisent sous le regard des CRS. Pour Farid, la soirée est bel et bien gâchée. La ville est en état de siège, alors que normalement ça devrait être la fête. Quoi. De voir ce désastre, tous les commerces sont fermés, voilà, c'est malheureux pour tout le monde. Tard dans la soirée, de brefs affrontements ont continué. Un triste jeu du chat et de la souris qui risque pourtant bien de se poursuivre aujourd'hui. Voilà le reportage à Marseille d'Éric Miguet. Et puis deux autres rencontres aujourd'hui. Le groupe de la France d'abord avec le match Suisse-Albanie. Et puis dans le groupe B, l'affrontement entre le Pays de Galles et la Slovaquie. Il est 7h05 sur RMC, le reste de l'actualité avec les grève, notamment 11e jour consécutif à la SNCF, trafic légèrement perturbé, 9 TGV sur 10, 6 TER sur 10, et la contestation, la loi travail qui pourrait peut-être se calmer. Le dialogue pourrait reprendre ce week-end entre la CGT et le gouvernement. La ministre Myriam El-Khomri disait vouloir recevoir Philippe Martinez hier quand il le voulait, le patron de la CGT qui se dit lui aussi disponible. La politique ce samedi avec le ton qui monte entre les leaders à droite. Alain Juppé a tiré le premier, reprochant hier à Nicolas Sarkozy de ne pas se déclarer clairement candidat et donc de jouer avec son rôle de président des Républicains. C'est un problème éthique et moral, disait hier Alain Juppé. Et ce matin, c'est la porte-parole des Républicains, Valérie Debord, qui vient au secours de Nicolas Sarkozy. Je réponds que, Nicolas Sarkozy est président du parti Les Républicains, qu'à ce titre, il est le chef de l'opposition et qu'il est absolument nécessaire que ce chef de l'opposition, pour lequel nous avons voté de façon extrêmement majoritaire, puisse s'exprimer. Je réponds également qu'il y a des règles pour les primaires, que ces règles ont été adoptées, votées à l'unanimité. Et si Nicolas Sarkozy est candidat, évidemment, il se soumettra à nos statuts. Valérie Debord, interrogée par Céline Martelet. C'est une mesure voulue par le gouvernement, faire disparaître le chéquier, privilégier la carte bancaire au papier. C'est pour aller dans ce sens que l'Assemblée nationale a voté hier la réduction du temps de validité des chèques, passant de 1 an à 6 mois. Jean-Wilfried Forquès, voilà une mesure qui ne plaît pas beaucoup aux personnes les plus en difficulté. Notamment. Sur ce marché populaire de Toulouse, Daniel ne cache pas qu'avec des revenus modestes, le règlement d'un achat avec des chèques espacés dans le temps reste une bonne solution. Ça permet d'échelonner, de gérer un peu plus. Avant, c'était 2 ans, hein, je vous signale. De 2 ans, c'est passé à 12 mois et maintenant, ça passe à 6 mois. La période la plus longue, pour moi, me semble la meilleure. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Le gouvernement se trompe de cible, estime le conseiller régional Front de Gauche, Jean-Christophe Célin. Encore une fois, ce gouvernement s'attaque au milieu populaire. Le chèque, c'est un moyen de paiement, c'est un moyen de caution aussi. Moi, je pense surtout aux chèques de caution qui ont un caractère conservatoire. Si l'usage du chèque diminue en France, son utilisation reste encore importante. 37 chèques en moyenne par an et par Français, contre 11 pour les Anglais et un seul pour les Allemands. Le reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès. Et puis, il n'y a pas que le football dans la vie. Et oui, il y a aussi le rugby. Le money time de la saison de Top 14. Les barrages pour accéder aux demi-finales, c'est ce week-end. Montpellier-Castres, ce sera demain. Aujourd'hui, le choc Racing-Toulouse. Le francilien Dimitri Zarzewski a hâte. C'est vrai qu'on s'entraîne toute une saison. Notamment, on se bat tout l'hiver justement pour jouer ce genre de match. Vous savez, quand les beaux jours arrivent, quand les phases finales sont là, c'est agréable. Et toujours de rugby, a envie de les jouer. Donc oui, on s'est fait mal. D'accord, on s'est fait violence toute la saison, mais justement, pour cet objectif, maintenant, à nous de saisir l'opportunité et mettre toutes les chances de notre côté pour aller plus loin. Voilà, les matchs seront à suivre, évidemment, tout le week-end sur RMC. 7h09 sur RMC, les courses pour terminer, François Sorel. Et un tiers écarté quinté plus cet après-midi à Vincennes, Thomas. Sébastien Darras nous conseille le 17 Indigius et le 16 Aubryon du Gers. Brahim Asloum, lui, tente sa chance avec le 5 Uccello Somoli. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 18 Viking Vabene et le 9 Anzi des Liards. Le 17, le 16, le 5, le 18 et le 9. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Elles sont indispensables dans notre jardin. On va en parler pendant une heure et elles le méritent bien. Les abeilles au cœur de cette deuxième partie de notre rendez-vous jardin avec Patrick Murlan et nos invités. Et vos questions, vos réactions, vos témoignages. 32-16, à tout de suite. RMC. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi. Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ouais. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990 €. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6, réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, le filet se resserre. Sur Lidl, c'est ça? Sur nous, patron. Les pommes de terre, le filet de 2,5 kg, chez Lidl, aujourd'hui, ils le font à 1,99 euros. Moins de 2 euros le filet de 2,5 kg. Oui, et origine France, patron. 80 centimes le kilo de pommes de terre. Ça vaut le coup, non? Ah, le coup de grâce, oui. Ah, on est mal. On est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pommes de terre de consommation, catégorie 1, calibre 40-70, variété Agatha ou Gioconda selon magasin, origine France. Petit message Peugeot en forme de tutoriel. Salut! Aujourd'hui, comment prendre soin de ta Peugeot avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone? Alors c'est super simple, tu vas sur internet et tu tapes l'URL rendez-vous en ligne-peugeot.fr. Sélectionne le point de vente le plus proche de chez toi, clique sur la date et l'horaire qui t'arrange et tu valides ton choix. Prenez rendez-vous ou faites réaliser un devis pour l'entretien de votre Peugeot 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en vous connectant sur rendez-vous en ligne-peugeot.fr. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel. Il est 7h12, c'est RMC, le week-end des experts et le jardin. Merci d'être avec nous comme chaque samedi. Tout à l'heure, entre 8 et 10, la maison. Et avec Christian Pessé, notre expert bricolage maison déco. Ah, croyez-moi, vous allez la sortir, votre boîte à outils, tout à l'heure. On va... plus jeter, on va réparer avec plein de concepts sympas. Si par exemple votre machine à laver est en panne, pourquoi ne pas appeler le service après-vente ou le service dépannage de la marque plutôt que de la mettre sur le trottoir? On va essayer, au lieu de jeter, de réparer et de recycler. Ce sera entre 9h et 10h. Et puis bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, c'est notre rendez-vous jardin, Patrick. Et pour cette deuxième partie, nous allons faire le buzz. Puisque nous allons parler des abeilles. Voilà, l'abeille de notre ami Bourville. Exactement. Cette chanson immortelle. Exactement. Les abeilles. Alors, ça commence à dater un peu, mais c'était sympa. Oui, ben voilà, ça dépend la couleur de cheveux que vous avez. Donc, on a, bien entendu, les plantes à fleurs dépendent pour la plupart, enfin, ou du moins pour un très grand nombre, de la présence d'insectes. Parce que ce sont les insectes qui sont les entremetteurs les plus efficaces pour réaliser leur multiplication. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Vous imaginez, par exemple, que nous soyons des êtres immobiles. Comment se rencontrer au niveau des sexes c'est pour pas pouvoir facile. Et assurer notre descendance? Eh bien, on a besoin d'un intervenant extérieur. Et dans le cas des plantes, c'est souvent, effectivement, l'insecte. Alors, on peut imaginer que les plantes attendent des abeilles comme nous on attend, je ne sais pas, moi. Mais évidemment, comme vous attendez votre dulcinée. C'est absolument vrai, parce que elles trouvent les plantes des milliers d'artifices pour pouvoir attirer les insectes, que ce soit les couleurs, les parfums, les formes. Mm-hmm. Il y a certaines fleurs, certaines orchidées qui ressemblent à s'y méprendre à des insectes sur lesquels un vrai insecte va se poser pour s'accoupler et qui va permettre à la fleur elle-même la pollinisation, donc, de pouvoir être fécondée. Alors, on dit que 35% de notre alimentation repose aujourd'hui sur les plantes pollinisés par les insectes. Vous vous rendez compte un petit peu leur rôle. Donc nous, au jardin, c'est la même chose. Et pour parler de tout cela, j'ai invité deux personnes qui sont tout à fait compétentes. D'abord François Lasserre, qui est vice-président de l'OPIE. L'OPIE, c'est l'Office pour les insectes et leur environnement. François, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. Dites-nous tout de suite deux mots sur l'OPIE, comme ça on va mieux vous connaître. Alors l'Office pour les insectes et leur environnement, c'est un peu comme la Ligue pour la protection des oiseaux, sauf que comme les insectes sont un peu moins connus, l'OPIE est un peu moins connu. C'est une association de protection de la nature spécialisée dans les insectes, à la fois d'un côté naturaliste et scientifique, et il y a un grand volet pédagogique pour faire de l'éducation à l'environnement et faire découvrir les insectes au plus grand nombre. D'accord. Alors vous faites découvrir que toutes sortes d'insectes ou que les abeilles ? Ah, oh là là. Alors les abeilles, en fait quand on parle des abeilles, c'est une seule espèce à qui on vole du miel le matin pour le petit-déj. Oui, c'est vrai. Et au milieu de 40 000 espèces. Donc on a toujours cette espèce de fierté de dire, nous on représente 40 000 espèces, alors que la Ligue pour la protection des oiseaux ne représente que, entre guillemets, 400 espèces. Ah oui. Les insectes. C'est des petits joueurs, hein, eux. C'est des petits joueurs, tout à fait. Les insectes sont les animaux les plus nombreux, donc du coup, on a cette espèce de fierté. Mais en revanche, comme ils sont très peu connus et qu'ils ont une sale réputation, on a du mal à faire comprendre qu'il y a 40 000 espèces autour de nous, et que si on parle des abeilles, l'entomologiste, il a en tête 1000 espèces, alors que le quidam, et c'est normal, on nous apprend pas grand chose sur les insectes, le quidam n'a qu'une seule espèce d'abeille en tête, alors qu'il y a 1000 espèces d'abeilles, rien qu'en France. Vous dites que les abeilles ont mauvaise réputation, c'est ça ? Les insectes. Ah, pas les abeilles, forcément. Les abeilles, on craint toujours un peu la piqûre, c'est ça le problème. Oui, j'ai l'impression que ça évolue, non, avec le temps. Aujourd'hui, on se rend compte de l'utilité et de la, du côté précieux des abeilles. Tout à fait. Mais en fait, les abeilles, ce qu'elles ont, l'avantage des abeilles, c'est qu'elles ont un syndicat. les apiculteurs. Et c'est quasiment la seule espèce d'insecte sur les 40 000 qui a un syndicat. Un syndicat qui fait bien son travail et en plus un syndicat qui représente un insecte qui en plus est super sympathique puisqu'il nous fabrique du miel, du pollen, de la propolis. Bon, ça c'est des choses aussi annexes, des produits annexes de la ruche et de la cire. Et du coup, ben, il a pas beaucoup de mal à dire, ben, sauvons les abeilles, sauvons les abeilles. Mais ce que savent les entomologistes, c'est que derrière le mot abeille et le terme pollinisateur, il y a des milliers d'espèces derrière tout ça. Et l'abeille domestique ne fait absolument pas tout le boulot. C'est aussi et surtout les autres abeilles, les mouches, les coléoptères, les punaises, puisque tous les papillons, tous les insectes qui vont sur les fleurs participent à la pollinisation. Alors on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, petit peu des autres pollinisateurs, ainsi que d'ailleurs des actions en faveur de ces pollinisateurs, comme les apidèses, comme spipol, etc. Donc qui sont des choses qui sont importantes également. Là, on va essayer de comprendre un petit peu quel est le rôle des abeilles, ou des hyménoptères peut-être ou des pollinisateurs en général. Tous les insectes floricoles. Voilà. Alors le mot floricole est un mot qui est assez peu employé, voilà. Qui veut dire quoi? Des insectes qui sont associés aux fleurs. Qui vont sur les fleurs, vont se nourrir sur les fleurs. Alors nous avons aussi un deuxième invité qui vient d'arriver au téléphone, qui s'appelle Jacques Piquet. Jacques Piquet est auteur du livre chez Ulmer, Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin. Là, c'est vraiment le programme qui nous touche dans le cœur de cette émission, parce que, bien évidemment, on va essayer de donner les conseils favorisant l'arrivée ou même la maintenance des insectes pollinisateurs, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient domestiques, dans nos jardins. Jacques Piquet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Jacques Piquet qui nous parle des abeilles, enfin franchement ça ne s'invente pas. Je veux dire là, sincèrement c'est incroyable. Ah, ça me l'a jamais fait. Non, mais je suis d'accord, mais c'est quand même incroyable. En tout cas, bienvenue. On parlait justement de ce côté un peu, pas rejet, mais crainte des insectes par rapport justement au fait que peut-être on peut se faire piquer, mais en fait il faut le faire un peu exprès pour se faire piquer par une abeille. Bah, disons que les abeilles butineuses, quand vous avez des abeilles sur des fleurs, ce qui est bien sûr leur rôle, vous ne vous faites jamais agresser par des abeilles en train de butiner. Bon, par contre, vous pouvez vous faire piquer à proximité de la ruche, ça c'est sûr. Ou alors, quand malheureusement, par exemple, vous êtes en train de pique-niquer sur une pelouse où il y a du trèfle blanc, vous allongez. Oui, on va le marcher dessus ou on va se coucher dessus. Voilà, donc là, forcément, vous faites piquer, mais autrement, vous ne faites jamais agresser par une butineuse. Alors ça arrive aussi lorsque l'on ne voit pas un essaim qui se trouve, par exemple, dans un roncier. Moi, ça m'est arrivé lorsque je récoltais des mûres comme un grand gourmand, et puis hop, on voit un insecte qui sort du roncier et qui vient vous dire « t'es trop près de chez moi ». Oui, fais attention, tu m'as pas vu. Et je fais une petite piqûre. Ah comme ça, oui, c'est parce que vous êtes à proximité de son habitat, donc là forcément il défend son air, bien sûr. Alors messieurs, on va parler un petit peu, s'il vous plaît, du rôle exact des insectes pollinisateurs, parce que la pollinisation c'est effectivement la fécondation des fleurs, et comment ça se passe. Et puis après, on parlera comment les attirer. Voilà, on revient dans un instant pour évoquer tout ça. Et puis nous aurons Jérôme aussi, Patrick, qui a installé une ruche dans son jardin. Il va nous expliquer comment ça se passe. D'accord ? Allez, à tout de suite, il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Le jardin, on parle des abeilles ce matin, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Maman, je peux partir en week-end chez Victor ? Oui, et ton nouveau lecteur de glycémie ? T'inquiète, je l'ai, et je gère sur l'appli. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, votre enfant sait clairement où il en est et peut suivre avec vous ses résultats via l'appli mobile OneTouch Reveal. Vous gardez un œil sur sa glycémie et lui apprend à gérer de façon autonome pour continuer à vivre pleinement. On sera hyper connectés. Ouais, enfin, pas trop. OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de live scan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Pam palam, pam palam. Tu l'as vu ? Où ? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche chez Darty, bénéficiez de 10€ offerts en carte cadeau par tranche de 100€ d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30€, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016, voir conditions magasin ou sur darty.com. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande avec toute leur diversité sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Ah, les jardins au printemps. Moi, j'ai des envies de jardiner. C'est vrai, la nature se renouvelle, les couleurs explosent. Et oui, Stéphane, c'est le moment de jardiner. Et ça tombe bien. Jusqu'au 18 juin, c'est le grand jeu Tous au jardin chez Gamme Vert, avec plus de 50 000 euros de cadeaux à gagner. Gamme Vert, le goût du jardin. Jeu gratuit sans obligation d'achat, conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. C'est le week-end des experts, c'est le jardin avec Patrick Mulan et nos invités François Lasserre et Jacques Piquet. On évoque ce matin les abeilles, les indispensables abeilles, Patrick. Oui, bien sûr, on voit que les insectes ont un rôle majeur parce que ils vont permettre donc la fécondation des fleurs. Et derrière la fécondation des fleurs, on va obtenir quoi? Eh bien, on va obtenir des fruits ou des graines. Mmh. Donc, je disais tout à l'heure dans l'émission, au début de l'émission, que si vous n'avez pas d'insectes pollinisateurs, vous pouvez toujours faire votre deuil de tout ce qui est cucurbitacé, par exemple. Mais il n'y a pas que cela. Par exemple, Jacques Piquet, donc vous qui avez écrit ce livre « Cultiver des plantes mellifères en ville et au jardin », Vous préconisez quoi à faire dans un jardin pour attirer tout ce beau monde? Eh ben, vous avez des plantes qui sont qualifiées de mellifères. Alors, le terme est un petit peu difficile, mais enfin, mellifère, normalement, ça veut dire qu'il donne du miel, qu'il porte du miel. Oui, on entend le mot miel dedans, oui. Voilà. Et moi, je dis aussi que, par extension, ce sont les plantes qui donnent du nectar, d'une part, et du pollen. Alors, en général, les fleurs donnent les deux. Et certaines donnent plutôt du pollen, donc on devrait plutôt dire pollinifère, et d'autres donnent plutôt du nectar, donc on devrait dire nectarifère. Et tout ça, c'est ce qu'on englobe par exemple mellifère. Alors les plus connus, bah, vous avez par exemple le robinier, qu'on appelle l'acacia en ce moment, qui a fini de fleurir. Oui, il a fleuri. Voilà. Ben, ça, c'est une plante très très mellifère au sens strict du terme, parce que ça donne principalement du nectar. Et ça donne en quantité. D'ailleurs, tout le monde connaît le miel d'acacia. Dans les jardins, on peut planter des arbustes mellifères. Par exemple, vous avez le caryoptéris qui fleurit très tard en saison, là où il n'y a plus de plantes à l'état sauvage pour fournir de quoi nourrir les abeilles. Alors, caryoptéris, on appelle ça parfois barbe bleue aussi. C'est un arbuste assez compact qui fait des belles fleurs bleues. Voilà, et je conseille d'ailleurs d'en planter, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, ça fleurit vers le mois de septembre-octobre. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas grand-chose dans le jardin à ce moment-là. Voilà, et vous avez les abeilles. Parce que les abeilles, il y a beaucoup d'abeilles qui passent l'hiver sous forme adulte, et même l'abeille des ruches doit faire des réserves pour l'hiver, et donc il est important qu'elles aient de quoi butiner encore à cette saison. Et est-ce que la biodiversité, c'est-à-dire donc le choix, la variété, la diversité des espèces que l'on met dans un jardin contribue largement à la présence de ces pollinisateurs, François Lasserre? Oui, ben oui. Oui, oui. C'est tout. C'est tout. Non, mais est-ce que c'est très important? Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, puisqu'on a quand même plutôt des petits jardins, qu'on fasse un massif d'une seule espèce, parce qu'on sait que ça vient, par exemple, je sais pas, des phacélias, on voit ça, ça butine énormément, ou des trèfles, etc. Ça serait suffisant, ou il vaut mieux effectivement varier énormément les fleurs? Bah, il vaut mieux varier. On sait que en tout cas, moi, je parle surtout de l'abeille mellifère. Donc l'abeille des ruches, plus elles ont des pollens et des nectars divers, et meilleures elles sont en santé. Par contre, pour les abeilles sauvages, bon là je suis pas spécialiste, mais je sais que certaines sont très spécialisées justement,

France, aucun problème repéré pour s'y rendre ou pour en sortir. La fête également sans accroc dans toutes les fan zones du pays. Voilà donc l'Euro lancé, un mois de football avec aujourd'hui dans le groupe des Bleus la deuxième rencontre entre la Suisse et l'Albanie. Et puis le groupe B, Pays de Galles face à la Slovaquie aujourd'hui et ce soir à Marseille, Angleterre-Russie, match jugé à haut risque par les organisateurs. Les supporters anglais ont déjà montré de quoi ils sont capables. 7 d'entre eux ont été interpellés notamment hier dans le centre-ville de Marseille où les supporters se sont confrontés aux forces de l'ordre. Le reste de l'actualité à l'étranger, les obsèques hors normes de la légende Mohamed Ali, c'était hier à Louisville aux États-Unis. Éloge funèbre prononcé par l'ancien président Bill Clinton et une procession d'une trentaine de kilomètres pour rendre hommage à l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. L'étranger, c'est aussi la Syrie, la fermeté de Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères qui dénonçait hier la duplicité du régime de Damas, un régime qui a bombardé la ville de Daraya au sud de la capitale alors que le régime venait d'autoriser une distribution d'aide alimentaire. En France, les grèves encore et toujours, 11e jour de mobilisation à la SNCF et la RATP, 9 TGV sur 10, aujourd'hui 6 TER sur 10, perturbation également sur les RER. Et puis premier jour de grève, cette fois-ci Air France, mouvement lancé par les syndicats de pilotes, 70 à 80% du trafic sera assuré ce samedi. 7h31 sur RMC, vous êtes avec Patrick Mulan et François Sorel, votre jardin messieurs. Merci beaucoup Thomas et on vous retrouve bien évidemment à 8h dans un instant. Notre spécial abeille se poursuit sur RMC. Ce n'est pas la peine de d'aller butiner ailleurs, les amis. Restez avec nous, avec nos invités, puis le témoignage de Jérôme tout de suite. À tout de suite. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Les abeilles. Ah bah non, alors. Voilà, l'inoubliable Bourville, bien sûr, ouais. Avec les abeilles. 7h32, c'était RMC. On évoque ces petits insectes ce matin avec nos invités François Lasserre et Jacques Piquet. Et je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de Jérôme qui nous a appelé au 3216. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Merci Jérôme. Merci déjà de recevoir mon appel. Mais c'est normal. Alors vous avez installé des ruches chez vous, c'est ça? Voilà, exactement. Donc j'ai installé. Enfin, pas dans votre salon quand même, rassurez-nous. Non, dans mon jardin. Ah, très bien. Donc j'ai installé ça il y a 2 ans. Il y a 2 ans environ. Et je voulais vraiment encourager tout le monde à mettre des ruches chez soi. Vous avez eu beaucoup, Jérôme ? Là, pour l'instant, j'en ai 3. Oui. Dans un jardin qui fait quelle dimension ? Alors, j'ai une partie réservée uniquement à mes animaux. Donc, ma volaille, mes lapins, c'est tout en liberté. J'ai mes ruches dedans, ça fait en gros 5000 m². Ah oui, donc vous avez un grand, grand jardin. D'accord. Voilà, on est parti à la campagne justement pour pouvoir vivre de cette façon. Et qu'est-ce que vous avez constaté de particulier depuis que vous avez installé des ruches dans le jardin? Alors déjà, mon potager, c'est du d'année à l'autre, c'est le jour et la nuit. Au niveau des récoltes? Ouais, c'est vraiment au niveau des tomates, au niveau tout ce qui est courgettes, au niveau des fruits, des fruitiers. J'ai énormément de fruitiers et ça se ressent. Et au niveau des fleurs, j'ai toute une partie où il y a mes ruches que je laisse en jachère, où je touche à rien. Il y a des fleurs, mais c'est magnifique. Ah, super. On va dire une végétation spontanée de fleurs. Ouais, c'est vraiment magnifique que j'avais pas les années auparavant. Mmh. Et vous êtes dans quelle région, Jérôme ? Dans la Loire. Dans la Loire, oui. Vers Quinzier, je pense. Mmh. Oui, donc un petit peu d'altitude. On est à 500. Oui, c'est ça. Mmh. 500, et ma femme craignait les abeilles, par rapport aux piqûres, par rapport à pas mal de choses, un peu des... On confond souvent avec les guêpes, ceux qui connaissent pas trop. Mmh. Mais c'est vrai que nous, quand possédons 3, on se balade pas forcément autour, mais à 5-10 mètres. Et jamais il y a eu de piqûre, jamais... Ça, c'est vraiment... D'accord. Et vous les laissez tranquilles ou vous récoltez le miel? Alors, je récolte le miel, pas tout. Pas tout, parce que je leur laisse pour l'hiver. Oui, bien sûr. Donc, tout ce qui est le corps d'en bas, je le laisse entier. Et de temps en temps, je leur redonne des pots de miel l'hiver. Pour qu'elles puissent se nourrir s'il manque pour les abeilles. Et au point de vue entretien, ça vous demande beaucoup de temps ? Non. En ce moment, le temps ne le permet pas trop, mais je fais une visite tous les 15 jours. Mais l'hiver, de toute façon, on n'y touche pas du tout. Donc pendant 6 mois, on n'y touche pas du tout. L'investissement est quand même assez gros pour démarrer. Ah oui ? Vous l'estimez à combien ? Eh bien, déjà, pour commencer une ruche, il faut compter... En matériel, il faut compter 300 euros. Ah oui, pour avoir une ruche, il faut être riche. La petite maison, les cadres, tout ça. Voilà, donc il y a la ruche. Après, faut prévoir, si on achète un essaim, il faut prévoir une petite ruchette. Après, la transfert en ruche, il y a la combinaison. il y a l'enfumoir. Mmh. Il y a plein de choses qu'on pense pas forcément, mais l'investissement, une fois qu'il est fait, il est fait. Oui, voilà. Après, la première année, c'est souvent un gros investissement, mais après, une fois que c'est fait, voilà. Après, est-ce qu'on doit les nettoyer, les ruches? Non. Elles se nettoient automatiquement. C'est-à-dire que dès qu'il y a des herbes qui rentrent, des petits branchages, les abeilles, elles y sortent tout de suite. Elles font le boulot elles-mêmes. Ouais, elles y sortent tout de suite. Ah oui, elles sont très maniaques, les abeilles. Mmh. Donc, c'est toujours, à l'intérieur, c'est toujours propre. Il n'y a pas de... Après aussi, ceux qui veulent démarrer, il faut quand même se méfier parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un gros, gros business sur les abeilles. Et il faut se méfier. C'est-à-dire, faut acheter des... Eh ben, faut vraiment que ça marche du bouche à oreille. Parce que si on va chez un apiculteur, il nous voit débutants et il en profite beaucoup. Ah, c'est-à-dire qu'il va vous demander, enfin, il va vous demander beaucoup d'argent pour vous voilà, conseiller, exactement. C'est ça? Il faut vraiment se renseigner à droite et à gauche parce que souvent on n'est pas au courant, mais souvent son voisin possède sûrement peut-être des ruches ou aux alentours. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'autant passer directement par quelqu'un qui est à côté de chez vous, parce que moi j'ai fait les mauvais frais, justement, je suis allé assez loin chercher mon premier essaim. Et ça n'a pas du tout... donné de bons résultats. Non, d'accord. du tout. Donc, c'est vrai. Il y a vraiment... des clubs aussi d'amateurs d'apiculture qui peuvent exactement. Donner des conseils, donner des bonnes adresses, je pense. Ah oui, parce qu'on entend vraiment de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que rien de tel qu'un bon petit apiculteur qui peut vous aider, qui prend le temps. Et c'est génial. C'est vraiment... les gens, souvent, qui ont des abeilles, ils ont le cœur sous la main. Ils viennent chez vous. Mmh. Ils vous donnent l'expérience. Oui, ils partagent leur passion, en fait. Voilà, exactement. Mmh. Je voudrais demander à François Lasserre, justement, si l'OPI-UP peut aider à ce niveau-là, pas les apiculteurs amateurs, mais un peu les gens qui veulent s'intéresser aux pollinisateurs, qui veulent aller dans le bon sens. Oui. Alors, l'OPI s'occupe des insectes plutôt sauvages. Donc, l'OPI s'occupe très peu des abeilles domestiques, puisque l'abeille domestique survit et est entretenue par l'homme. Donc, c'est un insecte qui est complètement lié à l'homme. S'il n'y avait pas l'homme, dans une grande partie de la France, il y aurait beaucoup moins d'abeilles domestiques, et les apiculteurs les entretiennent, etc. Mais là, je voudrais justement, l'OPI essaye de nous faire sortir de cette idée qu'il n'y a que l'abeille domestique qui pollinise et qu'il faudrait favoriser l'abeille. Vous avez entendu, monsieur a dit, je suis allé chercher mes abeilles, je ne sais où. C'est-à-dire que ce monsieur, fait installer une ruche, finalement, c'est une fausse bonne idée. Et en plus, ça coûte cher. Mais je sais que c'est passionnant et que le miel est absolument... Et récolter son propre miel, c'est absolument fabuleux. C'est formidable, mais, oui, c'est sûr. Mais installer une ruche, en fait, il faut voir ça... comme une activité sympathique, une espèce de hobby pour avoir son propre miel. En revanche, quand il s'agit de favoriser la pollinisation, la biodiversité, ou de favoriser la pollinisation, on n'a pas besoin d'installer une ruche. L'abeille domestique, c'est un seul et unique insecte. Certes, parfois, ils sont très nombreux en quantité d'individus, mais c'est un seul et unique insecte au milieu de milliers d'espèces. Et tout à l'heure, vous parliez de la biodiversité au jardin et du fait d'accueillir différentes fleurs. En fait, les abeilles sont des insectes à langue longue. Mmh. Alors, il y a des abeilles qui ont des langues courtes ou plus ou moins longues. Et les fleurs, toutes les fleurs sauvages sont toutes différentes, ont des profondeurs différentes. Et en fait, l'abeille domestique en pollinise pas mal, mais ne pollinise pas toutes les fleurs. Et si je prends par exemple le fenouil, la carotte, l'abeille domestique n'y peut rien. Donc la carotte, le fenouil, c'est plutôt pollinisé par les mouches à mer, par exemple. Mmh. Puisque toutes les mouches vont sur les fleurs. Mais si vous avez des abeilles domestiques, ça n'empêche pas les mouches? Ben, ça n'empêche pas les mouches, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez aussi gratuitement favoriser la présence d'insectes pollinisateurs dans votre jardin sans être obligé d'en importer. Si vous voulez, ce qui est drôle, c'est que ça choque personne de faire venir 50 000 insectes de je ne sais où, alors que dès qu'il y a la moindre petite plante qui s'installe, on dit oh là là, les envahisseurs, etc. Mais comme l'abeille a une espèce d'aura incroyable, qui fait que quand on installe une ruche, tout le monde trouve ça incroyable, alors qu'il y avait plein de pollinisateurs locaux. Mais enfin, a priori, Jérôme, il a eu quand même des résultats visibles à partir du moment où il a installé ses ruches. Donc ça a quand même un effet bénéfique. Bien sûr, mais ce qui s'est passé aussi, c'est que Jérôme, il s'est d'un seul coup mis à être bien plus précautionneux avec son jardin, la nature, il a laissé des herbes folles, etc. Et ses tomates, à mon avis, une grande partie est plutôt pollinisée par des bourdons, qui sont des abeilles sauvages, etc., etc. En fait, Jérôme, il a changé sa façon de voir la nature. Oui, oui. Mais est-ce que la cohabitation se fait correctement entre les espèces sauvages et les abeilles domestiques? Eh ben, justement, n'en sait rien. Donc les entomologistes qui connaissent bien le monde des pollinisateurs, ils disent attention, souvent c'est peut-être une fausse bonne idée. Parce que tous ces concurrents, ces 50 000, parfois ils sont 50 000 dans une ruche, ces 50 000 pollinisateurs pourraient concurrencer certains autres pollinisateurs qui étaient dans le coin et qui demandaient qu'à polliniser vos plantes, mais qu'on va finalement d'une certaine façon dévaloriser. Et ces choses-là, c'est encore à l'étude, c'est même nouveau. Et une des grandes trouvailles de la recherche en 2013, c'est-à-dire vraiment hier, c'est que les abeilles sauvages pollinisaient mieux que les abeilles domestiques. Oui, ça on en avait parlé déjà dans l'émission. Mais je voudrais demander à Jacques Piquet, donc qui s'intéresse, lui, je pense, un peu plus aux abeilles domestiques à travers les plantes mellifères, quelle est sa position par rapport à ce qui vient d'être évoqué? Bah, c'est-à-dire que si vous regardez dans mon livre, je n'ai pas tenu compte que de l'abeille domestique. Non. Parmi les plantes que je préconise, je parle aussi des plantes qui favorisent les insectes sauvages. Je prends par exemple les consoudes. Bon, les abeilles y vont très peu, parce que, comme disait monsieur tout à l'heure, elles ont des langues pas suffisamment longues pour aller jusqu'au fond des corolles. Et si vous regardez ce qui se passe, c'est souvent des bourdons qui commencent déjà par fracturer la base de la fleur, et seulement les abeilles y vont après. Alors les bourdons, c'est des violeurs de fleurs, hein. C'est-à-dire. Non, mais souvent les bourdons sont ceux qui vont, par leur puissance, ils sont plus costauds que les autres, d'accord, arriver à percer certaines fleurs. Voilà, ils percent la base de la fleur et les abeilles viennent seulement. Voilà, qui sans eux ne pourraient pas être pollinisés. Donc ils défrichent le terrain, si je puis dire. C'est ça. Ouais. Oui. Mais par contre, vous avez d'autres abeilles solitaires. Je pense par exemple au genre Anthophora, qui va beaucoup dans les consoudes. Donc moi, j'ai des consoudes dans mon jardin et il y a tout un tas d'insectes, d'hyménoptères sauvages qui viennent, alors que j'ai des abeilles domestiques aussi. Alors il y a une chose qu'il faut dire aussi par rapport à la tendance très écologisante qu'on voit aujourd'hui, c'est que bon, dans votre livre, Jacques, vous avez beaucoup beaucoup de plantes de jardin, donc qui sont des espèces introduites, et les butineurs vont aussi bien sur les plantes originaires d'Asie, d'Amérique ou d'ailleurs, ou de Nouvelle-Zélande que sur nos plantes sauvages, et on obtient aussi de très très bons résultats. Alors peut-être que ça va faire bondir François Lasserre. Non, pas du tout. Ce qu'on sait, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait un peu de nectar quand même, sinon elles vivront. Et donc, il y a plein de plantes exotiques, mais de toute manière, nos jardins, nos potagers ne sont que des plantes exotiques. Surtout dans les potagers, Surtout dans les potagers, nous ne mangeons rien de local depuis très longtemps. Donc, c'est une habitude des hommes de balader les fleurs de partout, soit pour l'ornement, soit pour la nutrition. Et il faut surtout qu'elles aient du nectar. Et il en faut une grande variété. Donc, ça fait partie des pistes pour attirer tous les autres pollinisateurs, qui sont souvent bien plus efficaces, et de toute manière, qui sont là, et en fait, quand on parle de biodiversité, ben c'est ça. Alors que si on ne parle que de l'abeille domestique, on ne parle pas de biodiversité, on parle que d'une espèce. Mmh. Et du coup, derrière le mot biodiversité, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a plein d'autres insectes. Mais forcément, le mot insecte a encore plein de connotations négatives. On est victime d'un biais cognitif, c'est-à-dire que quand je fais une petite conférence sur les insectes, je leur dis « citez-moi les insectes qui vous embêtent, etc. » En général, j'arrive à 20 espèces. 20 espèces sur 40 000. En fait, c'est parce que les autres, on les connaît pas. Mais c'est parce que les autres nous embêtent pas, surtout. C'est peut-être vrai, oui. François Lasserre, on revient dans un instant. Patrick, il est pratiquement 8h moins le quart. On évoque les abeilles, ces petits insectes qui font du bien au jardin. On s'en est rendu compte. Et on se rend compte aussi de la complexité quand même de ce sujet, parce que voilà, il y en a des milliers d'espèces différentes, et c'est passionnant. Moi, je vais poser la question à nos invités. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont néfastes aux abeilles? Ah oui, voilà. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont toutes accueillantes, ouais. Mais visiblement, c'est pas le cas. Ça sera dans un instant. Le 3216 jardin@rmc.fr, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Salut, c'est Jean-Louis Séguier. Quelle ambiance hier soir au Stade de France. Quel match d'ouverture. Quelle victoire des Bleus. Attention, sur RMC, on ne lâche rien. Et mercredi, on se retrouve depuis Marseille pour France-Albanie. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. L'Euro en France. C'est unique sur RMC. Jusqu'au 10 juillet, les plus belles rencontres se jouent en France. Mais pas seulement. Elles ont aussi lieu chaque jour chez Temporis, le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Intérim, CDI, Temporis, toute la réactivité de nos agences d'emploi partout en France. Retrouvez toutes nos solutions RH en agence ou sur temporis.fr. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessinée. Un top modèle.

pense qu'elle est pollinisée par un papillon. Alors que quand elle est chez nous, bon, ben, le papillon d'origine n'existe pas. Les abeilles peuvent y aller et elles se font prendre au piège parce qu'il y a une espèce de système. Sur la fleur, l'abeille enfonce sa patte et la patte reste coincée. Donc elle n'est pas toxique, mais disons qu'elle est, elle est capturée comme dans une espèce de piège. Mais elle ne peut pas s'échapper. Elle ne peut plus s'échapper. Tiens. Elle est coincée, la patte est coincée dans une petite anfractuosité de la fleur. Alors on parle aussi. Bon, c'est anecdotique, hein, c'est pas ça qui va causer des dommages importants aux abeilles. D'accord. Alors, en revanche, bon, par exemple, vous avez des plantes toxiques comme le laurier rose qui est butiné, qui n'a pas d'effet direct sur les abeilles, mais qui semble produire un miel toxique dans ces cas-là. Comme le rhododendron luteum, comme l'azalée pontique, voilà, qui sont des plantes. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas parce qu'une plante est toxique que le miel est que toxique. Son miel va être toxique. Je pense par exemple à la bourdaine. Bon, la bourdaine, c'est un. Le ramulus, ouais, le frangulanus, ouais. Voilà. Il faut, quand on l'utilise comme purgatif ou pour d'autres, il faut chauffer la plante, en tout cas la traiter, elle est toxique directement. Les fruits d'ailleurs sont toxiques aussi. Par contre, le miel de bourdaine n'est pas toxique. Et les renoncules comme le bouton d'or, qui sont des plantes aussi assez toxiques, toutes les ranunculacées, est-ce que c'est pas un peu toxique pour les abeilles, ça? Non. Concernant ce qu'on appelle le miel fou, le miel qui est produit par les rhododendrons et puis par d'autres éricacées, comme par exemple une plante qui pousse sur le piton de la Fournaise à La Réunion, ben là c'est plutôt hallucinogène que vraiment toxique. Des miels hallucinogènes. Alors François, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des plantes qu'il ne faut pas avoir dans son jardin pour que les abeilles sauvages ou domestiques puissent bien y vivre? Ben, on est un peu moins concerné par ces choses-là, puisque nous, on favorise plutôt la biodiversité. La diversité, du coup, ce qui peut être embêtant, c'est que si, à des endroits, on tond tout le temps, tout est taillé, il y a très peu de fleurs sauvages, de fleurs spontanées, et que, par exemple, il n'y avait que du tilleul, ben, peut-être qu'à force, vous voyez, c'est une question aussi de dosage, parfois, si les bourdons n'ont que du tilleul à se mettre sous la langue, ben, du coup, peut-être qu'au bout d'un moment, l'effet qui est à minime, en petite quantité du tilleul peut devenir... C'est exactement ça qui s'observe, en fait. C'est que dans les zones où par exemple, il y a des longues plantations de tilleul et il n'y a pas beaucoup de plantes ailleurs, dans des zones, par exemple, un petit peu urbaines, eh bien, il y a des problèmes, effectivement, de bourdons qui sont un peu narcosés. D'où toutes ces idées de prairies. Vous voyez, ce qu'on raconte depuis 50 ans à l'OPI, ça finalement commence à porter ses fruits. Les communes s'en rendent compte. On laisse un peu du sauvage. D'accord. Et du spontané. Nous avons Jocelyne au 32-16 qui veut témoigner. Alors, visiblement, Jocelyne, elle, en a marre des abeilles. On va lui poser la question. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors, c'est pas tout à fait que j'en ai marre d'avoir des abeilles. C'est qu'on se pose des questions un petit peu. On est dans la banlieue grenobloise. On a une maison d'habitation et un jardin avec plein de fleurs. Nous, on fait pas de légumes. Un petit bout de style pelouse où on laisse les boutons d'or et des choses comme ça. Et puis, on a un petit peu de lavande. Et entre autres, périodiquement, dans les charmilles qu'on a en bordure d'un côté du jardin, les abeilles nous font un essaim. Donc, du coup, périodiquement, on se dit, bon, c'est sympa pour les fleurs, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais quand on veut aller couper les charmilles, on se dit, oulala, il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer de faire déplacer cet essaim par un spécialiste, un apiculteur ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc, Jacques, plutôt François, peut-être, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a un essaim dont on veut pas forcément utiliser ou qu'on ne sait pas le faire? Les pompiers viennent plus. Hein, oui, c'est sûr que c'est pas un nid de guêpe, une espèce de boule de papier dans votre charmille. Alors, dans les essaims d'abeilles, on voit que des abeilles, on voit que des insectes en grappe, et dans les nids de guêpes, effectivement, on voit une sorte de construction. Elles sont plus comme à l'intérieur, c'était du carton, en fait, avec des alvéoles. Oui, d'accord. Oui. Non, alvéoles. Parce que les abeilles, quand elles partent d'une ruche et qu'elles s'installent, si elles ne trouvent pas d'anfractuosité, un tronc creux ou une mini-grotte ou autre chose, ben, du coup, elles vont finir par fabriquer leur rayon de cire à l'air nu. enfin à l'air. Donc du coup, on voit des rayons de cire avec des grappes d'abeilles accrochées sur les rayons de cire quand elles s'installent. Hein, ça, c'est même après l'essaim. Du coup, c'est tout à fait remarquable. On sait que ce sont des abeilles. Si ce sont des guêpes, la guêpe domestique, elle va fabriquer un nid en papier, une espèce d'enveloppe, et on voit finalement peu de guêpes, alors que le nid. La ruche, sans ruche, si vous voulez, sans protection de l'abeille, là, on voit vraiment tous les insectes dessus. On peut déplacer ce genre de choses ? Alors, si ce sont des abeilles, et évidemment, l'idéal est d'appeler un apiculteur. En général, ils sont plutôt partants pour récupérer des essaims, surtout qu'en ce moment, l'abeille domestique va pas très bien. Donc, du coup, voilà, si c'est une guêpe, l'idéal, c'est de le... Si on peut ne pas s'approcher à moins de 5 mètres et les laisser tranquilles, c'est super, puisque les nids de guêpes, c'est un insecticide gratuit. Parce que la guêpe, de temps en temps, elle vient vous prendre un petit morceau de jambon, mais le reste du temps, elle va vous attraper des mouches, des punaises, des chenilles, etc. Donc du coup, nous, on appelle ça un insecticide gratuit. D'accord. Et en plus, quand elle est adulte, elle pollinise, puisque ça fait partie, les guêpes sont des insectes pollinisateurs. Merci beaucoup François. Donc ce qu'on peut dire à Jocelyne, c'est que si effectivement c'est un essaim d'abeille, elle peut appeler un apiculteur, il viendra... En général, ils aiment bien ça. D'accord. Je voulais dire quand même que la semaine prochaine, donc du 16 au 18 juin, en avant-première de la fête de la nature, les apiculteurs vont organiser les 7e Happy Days, et donc dans toute la France, on pourra avoir des animations autour des abeilles. Et puis, pensez aussi au projet Spipol, le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Merci beaucoup à François Lasserre et Jacques Piquet. Patrick, on se retrouve bien sûr samedi prochain, 6h-8h. 6h-8h, la bise à tout le monde et à ma petite jardinière la semaine prochaine. Et à dans tous. Un instant, ce sera la maison avec Christian Pessé qui me rejoint. À tout de suite. Je sur suis RMC. Là. À tout de suite. Retrouvez votre jardin en podcast sur rmc.fr. Le 10 juillet, c'est la finale de l'événement foot de l'année. Avec Assu 2000, assistez à ce match d'exception aux premières loges. Jusqu'à mercredi, 10 places pour la finale sont en jeu dans les 350 agences Assu 2000 partout en France. Que vous soyez client ou non, rendez-vous en agence Assu 2000 au plus vite pour retirer votre kit supporter et tenter de gagner vos places pour la finale. Vous avez bien compris ? Jusqu'à mercredi, rendez-vous en agence Assu 2000 pour remporter votre sésame pour le match de l'année. Retrouvez l'agence la plus proche de chez vous sur assu2000.fr, voir conditions sur le site. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. En ce moment, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Portes ouvertes ce week-end. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur PeugeotWebstore.com. Les bons plans Auchan, c'est maintenant. En ce moment, en magasin et sur Auchan.fr, les rosés sont à l'honneur. J'adore découvrir les saveurs de chaque région, les arômes des bandoles, le caractère des bordeaux, la belle robe des rosés de Provence. Par exemple, jusqu'à ce soir, en magasin, pour l'achat d'une fontaine à vin de 3 litres de Coteaux Varois Cellier de la Grande Bleue, la seconde est offerte, soit 13,98 euros les deux, au lieu de 27,96 euros. 13,98 euros les 6 litres de rosé ? Auchan, la vie que j'aime. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France ? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards ? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pam-palam, pam-palam. Tu l'as vu ? Où ? Oh non, c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ne laissez pas cette offre vous passer sous le nez. Jusqu'à dimanche, chez Darty, bénéficiez de 10 euros offerts en carte cadeau par tranche de 100 euros d'achat sur tous les produits photo, multimédia, TV, son et téléphonie. Carte cadeau Darty limitée à 30 euros, utilisable du 13 août au 30 septembre 2016, voire conditions en magasin ou sur darty.com. Quelle est votre voiture idéale ? Pour moi, ce serait une voiture avec une caméra de recul... Ou plutôt deux, c'est plus sûr. Trois, ça c'est trop, trois.